vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Pour sauver du temps, dessiner mes envies sur ton dos accident, et puis voir la tristesse, les enjeux de ma lignée qui se consument peu à peu, ici et grâce à toi. Ici et maintenant. Le plan d'aujourd'hui est assemblage requis. On mangera peut-être des ananas ou des épinards dans notre chronique gastronomique Une grosse pointe en dresse. Et on recevra les gars du band Days en entrevue, surtout en performance musicale en direct dans nos studios. Assemblage requis commence quand? Maintenant! Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis pour la semaine du 12 juin 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Bonjour. On est en direct des studios ultra humides. Oui. Et chauds. À l'université, exactement, de C'est Fou au 10-01. Oui, en direct du studio 10-01 de C'est Fou. C'est bien ça. Ça fait plus professionnel de dire ça comme ça. Ouais, hein, à vous. Comment vas-tu, Tania? Ça va très bien. Passe une belle fête de semaine, une belle fête de semaine et tout. Tout à fait, ben oui. La dernière fois. On se voit les jeudis seulement. Donc... Il fait beau maintenant, fait que ouais. Tout va bien. Il mouille plus, il a pas mouillé cette semaine. Non. Il a fait frisquet hier soir, par contre, mais à part ça, écoute, ça se passe bien. Ça se passe pas mal bien, même si pour nous, en direct, le jeudi, je vois de la pluie vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mais bon, ton espoir merveilleux, naïf d'une jeune fille de la vingtaine. ouais, c'est ça. Et c'est encourageant. Tout à fait. Aujourd'hui à l'émission, Tania, on a des invités spéciaux. On l'annonce dès le départ parce que c'est la grosse surprise, le gros morceau qu'on attendait depuis longtemps. On en a parlé quelques fois à l'émission. C'est les gars de Days, gagnants des Mardis de la Relève, qui vont être avec nous à 15h30, dans 1h30 environ. Ça va être vraiment cool, en performance musicale extra super grosse. Mm-hmm. Et en petite entrevue aussi, à côté. Ouais, on a hâte. Ouais, ça va être notre première prestation. Live depuis les dernières années dans ce studio, ça. De Très Blues Assez Fou, ça se fait souvent. Ouais. Mais là, nous, pour Assemblage requis, c'est une première. Des petits vierges de la performance c'est musicale. Ça, exactement. On va voir si nos équipements sont capables de prendre ça. Oh, ben oui. Ben sûrement. En fin d'émission, on va faire une grosse pointe d'adresse. Aujourd'hui, Tania, ça va être croustillant, je pense. Ça va être peut-être même difficile à supporter pour tes papilles. Oh mon Dieu, ok, tu me fais peur. Là. Je donne des indices, là, ça pourrait être. Pour mes papilles ou pour mes lèvres? Peut-être les deux. Oh, ok. On va aller chercher ton estomac tout à l'heure. Oh, ok, tant que ça. Ton anus, on verra plus tard. Trop d'informations. Et quelle heure? aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, ta chronique s'en vient. En fait, je crois, si je me trompe pas, tu vas nous faire deux chroniques aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais on va rester dans le même thème. Donc, de l'anus? Là, non. On va rester dans le même thème dans les deux chroniques. Oui. Ça va être deux en Tania is gonna entertain you. Oh. Mais on va parler de pouces verts. Okay. Et de boissons vertes. Ouh. Donc, on reste dans le vert. Pouces verts et boissons vertes. Exactement. Beau titre d'épisode. Est-ce que tu vas nous parler de petites boissons, là? C'est super hipster, là. Un petit bouteille. Mais non. Parce que depuis quelques semaines maintenant, c'est le début de l'été. Ouais. Ben, c'est le début de l'été. Oui, là, elle n'est pas encore totalement arrivée. Ça s'en vient. Techniquement. La semaine prochaine. C'est ça. Mais on a plusieurs semaines. À chaque semaine, en fait, je vous donne une idée de cocktail. Oui, ben oui. Ben, on reste dans cette idée-là, mais avec du vert. OK. Vous allez voir. Après le Black Cock, ça va être. Green Cocktail. Oh boy. Oh, la vulgarité aujourd'hui. Ouh. Ben oui, toi, t'es en feu. Ça n'a pas l'air. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. On a plein d'autres choses autour de ça. Des chroniques maison, on n'en plus finir. On a 3 heures ensemble, mais on va commencer en musique, comme on le fait, même si on vient juste d'entendre la musique pendant trop longtemps. C'est pas grave, faut bien se préparer un petit peu avec nos contenus. Là. Voici John McKeel et Brothers. À son âge. Is this where the weather ever gives it up? Sorry, it can never be a too much for you. McKill avec Brothers sur les ondes de Cifou 89 FM. J'ai tellement fait un signe pour recommencer, mais tu savais dans ton cœur qu'il y avait une finale. Hein? T'as-tu vu ça? T'es vraiment fort. Je sais pas pourquoi. Donc, toujours à son âge recul, on va entendre John McKill, comme tu l'as dit. C'est bien bon, ça commence l'émission très très relax. Nos oiseaux sont enjoués aujourd'hui. Ils ont de l'entrée en pu finir. Ils sont prêts à dépenser leur argent que leur mère leur a donné dans leur bec, avec leur bouche. Comme avec la bouffe, comme des petits verres de terre. Ou si ça existe, ça ne devrait pas, là. Oh boy. L'image, hein? Oui. Ouais. Troublant. Ça existe, ça ne devrait pas, là, la chronique où on s'achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Et on commence aujourd'hui avec un slingshot. On aime les slingshots à la Denis, la malice, la menace, peu importe. Donc, tirer des élastiques, c'est bien le fun, mais celui-là utilise des lasers. Oh boy! Là, c'est vraiment viril. C'est pas dangereux, ça? Sûrement. Tu sais, quand j'étais jeune, me semble, dans mon souvenir, mes parents me disaient... Là, pointe pas ton laser dans les yeux de personne. Ah, j'avoue, oui, et quand tu vises les avions aussi, ça peut provoquer des accidents, il me semble ça. Hein? Mais bon, oui, probablement que c'est dangereux, mais ça va t'aider à mieux viser ton élastique sur quelqu'un, ou encore peut-être même tes petites billes de BB gun, là, que tu vas pouvoir tuer quelqu'un sûrement avec ça. C'est clair, c'est beaucoup trop... Aux États-Unis, la prochaine fusillade... va se faire au slingshot. Près de Washington, sera avec un de très mauvais goût comme gag. Hein? Ouais, c'est vraiment bien, on n'aurait pas dû, on est désolé. Désolé. Donc, c'est le Assoler SS-12 Multifunction Superpower Stainless Hunting Laser Slingshot. Hein? Ça, c'est du nom. Donc, c'est un slingshot SS-12 qu'on va l'appeler. Avec, c'est fait en stainless steel, en acier inoxydable, avec un laser infrarouge, une lampe de poche laser, et ça devrait augmenter la précision de ton tir d'élastique ou autre. Et en plus de lancer des petites roches, tout ce qu'on pourrait lancer avec ça, on peut aussi tirer des fléchettes. Des boules de papier. Des boules de papier. Mouillées, rappelons-le, parce que c'est ça qui pince. C'est vrai, absolument. Mais faites pas ça à des personnes qui ont les cheveux frisés. Ils ont déjà assez de problèmes dans la vie avec leurs cheveux. Là. C'est pas non, c'est pas le problème. Au primaire, c'était ça, moi. C'était la fille qui avait une grosse bouffe de cheveux. Tu le lançais dedans? Non, pas moi. OK. Les autres. Non, avec une paille. On faisait ça avec des pailles dans le temps. Absolument. Donc, le SR SS-12 Multifunction Superpower Stainless Steel Hunter Hunting Laser Listening Shot. Je pensais l'avoir du deuxième coup, mais non. ça coûte 85$ sur Amazon US. Quand même, c'est une belle arme. Là. C'est un petit peu orange, style... on dirait un... c'est quoi, un gecko ou un petit lézard qui aurait des genre de pattern orange et noir. C'est une drôle de bête, je te dirais. Et ça a l'air d'être fait en cuir, le truc pour tirer. Donc, de la qualité là-dessus. Ensuite, on veut tout le temps se coucher en quelque part, on parle des fois de matelas portatifs, on parle de, je sais pas, peu importe, là, cette fois-ci, on parle d'un beanbag, tu sais, les gros sacs, là, les gros poufs de poids, là. Oui. Mais qui se défait en matelas aussi. C'est vraiment très cool, donc c'est comme un genre de cocon, on peut s'imaginer un cocon, donc t'aurais vraiment ton matelas qui peut se recroqueviller en boule, et ensuite tu le mets dans le cocon et tu zippes la chose et ça devient un beanbag, donc une chaise, là... Un pouf. Sûrement un pouf. Un pouf. Et quand on dézippe, le matelas reprend son ampleur et ça devient un matelas pour les invités. C'est vraiment cool. C'est fait en mousse déchiquetée, super douce, qui va facilement prendre la forme d'un lit, assez pour deux personnes. C'est-tu bon pour le dos, un beanbag? Sûrement pas. Non, hein? Ça me surprendrait vraiment. C'est peut-être pour ça que j'ai mal dans le dos maintenant. J'avais tout lancé quand j'étais jeune. C'était le fun. C'était beau aussi. Oui. C'est confortable pour garder des dessins animés avec un bol de céréales. C'est ça l'affaire. C'est que c'est le fun. T'as pas besoin d'être assis sur le divan avec 142 autres personnes. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que t'as pas besoin d'avoir une bonne posture parce que tu peux pas avoir une bonne posture non, sur un beanbag. Non, c'est ça, exactement. Ça coûte $350 US, ça veut dire. Quand même. Ouais, c'est cher, mais c'est encore une fois multi-utilisation. Donc, ça se paye plusieurs fois. Hein. Ouais. Ensuite, on parle d'un gadget USB qui est vraiment bizarre. En fait, celui-là m'a titillé parce que ça m'intéressait, mais je me demande si c'est bon pour la planète. Tu sais, nos appareils cellulaires, ça demande beaucoup de courant. Les batteries, les petites batteries qu'on achète, USB Battery Pack, genre, sont très populaires. Ici, on parle de Power Tabs, sans le E à Power, donc Power Tabs. C'est des boosts à utilisation unique pour votre iPhone ou Android. C'était pour vous aider quand vous êtes vraiment mal pris. Vous avez ça dans votre sac à dos, votre sacoche, peu importe. Pas besoin de le charger à l'avance, ça arrive déjà chargé. Et ça te donne 4 heures de plus de batterie. Ça peut durer sur la tablette ou dans ton sac pendant 5 ans. Ça vient dans une coquille biodégradable. Et ça te permet de savoir au moins que tu vas pas complètement envoyer ça dans les sites d'enfouissement. Mais c'est donc un espèce de gadget avec une prise USB au bout, ou une prise micro USB ou Lightning ou peu importe. Tu branches ça dans ton cellulaire quand t'en as vraiment besoin, mais que t'as besoin là de ton téléphone. Ouais, c'est ça. Une fois, tu peux t'en servir, juste une fois. OK. Donc ta batterie va être rechargée, tu vas jeter ça dans le recyclage ou peu importe. C'est quand même une idée que je trouve bien, oui, mais inutile aussi, parce que tant qu'à ça, achète-toi un vrai battery pack, qui sont plus tellement chers de ouais, nos jours. C'est vrai. Quand même, les Power Tabs, c'est 15$. Est-ce que ça dit pour combien? Mon battery pack, je l'ai acheté 20$. C'est ça, fait que tu sais... Puis il dure vraiment longtemps. Ouais, mais c'est que peut-être qu'il durera pas 5 ans si tu l'utilises pas, contrairement aux Power Tabs. Ah, peut-être. Tu peux le garder sur ta tablette. Bref, je pense pas pouvoir approuver ça. Je pense pas. Même si c'est biodégradable, ouais. L'extérieur est biodégradable, mais l'intérieur? La prise USB, la carte qu'il y a dedans, je penserais pas que ce le soit. Bref, non, j'aime pas cette idée-là. Ensuite, on parle d'un miroir. Ça ressemble à n'importe quel autre miroir. Ça mesure 1,9 mm d'épais. Donc, on penserait pas qu'il y a quelque chose de plus là-dedans, mais le Duo AI Mirror est en fait un ordinateur complet caché dans un miroir. C'est un moniteur multitactile que tu peux vraiment toucher comme sur une tablette de 27 pouces haute définition. Ça peut être configuré pour un paquet de tâches, entre autres montrer la météo, pouvoir contrôler le thermostat, les lumières. Et puis, il y a de l'intelligence artificielle sous le nom de Albert. C'est un assistant numérique qui vous permet de faire plein de tâches sans avoir besoin de mettre vos doigts sur l'écran. Et aussi, dans le fond, il y a une boîte avec les composantes électroniques qui sont à part et qui sont branchées dans le miroir. Dans le fond, le miroir contient pas vraiment l'ordinateur comme l'article laisse penser, mais contient plus un moniteur, si on veut. C'est ce qui permet d'avoir un moniteur très, très mince. Et puis, il y a un système d'exploitation dedans qui est spécifique à ce miroir-là qui s'appelle Home OS. On peut le précommander en ce moment pour 400$. C'est un miroir ordinateur. C'est quand même cool. Mm-hmm. L'idée est bonne, peut-être qu'un jour ça sera ce que tout le monde va avoir dans sa maison pour moins cher que ça. Probablement. Sûrement. Ensuite, tu connais le chat de Schrödinger? Non. C'est le principe philosophique où un chat est dans une boîte, mais qu'il n'y a pas de trou et que tu sais pas sans ouvrir la boîte s'il est mort ou s'il est vivant. Donc il est à la fois mort et vivant en même temps. C'est ça le chat de Schrödinger en philosophie, genre. OK. OK. Donc, maintenant, t'as un jouet tu en peluche. Mes cours de philo, ils étaient pas centrés sur les chats. Je les ai pochés, mais étant donné que ça parle de chats, je me suis renseigné. Je te jure, j'ai jamais vu ce principe de philosophie-là. Non? Non. Une page Wikipédia extraordinaire là-dessus. Pour vrai? Ouais. Donc, maintenant, on a une peluche, un petit toutou qui est le chat de Schrödinger. Donc, le chat est à la fois mort et vivant parce que d'un côté, sa face est vivante et enjouée. Et de l'autre côté, il y a des boutons à la place des yeux et il y a un sourire par en bas, un genre de frown. Il est triste, il est mort. Mais à quoi ça sert? Ben c'est un jouet en plus. Ça sert à quoi un jouet en plus? Ça sert à amuser les enfants, à te coller après la nuit en remplacement de ton copain. Ouais. $19 US sur ThinGeek. Le chat de Schrödinger version peluche. OK. On y va d'un chat à un chien. Maintenant, on peut situer son chien n'importe où dans le monde avec un joli petit collier. C'est vraiment cute quand même. Donc c'est un collier en cuir, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça s'appelle le Link AKC Smart Collar, qui est en fait un collier avec un GPS à l'intérieur et une application iOS et Android développée par N+, qui permet de trouver ton animal de compagnie, peu importe où il est dans le monde, à place d'avoir à se soucier de faire des petits posters pour essayer de retrouver ton chien. Il y en a partout autour de chez nous en ce moment, c'est triste à mort. Ah ouais? Si t'avais eu ton petit collier GPS, tu l'auras encore ton chien, tu vas le chercher là où il est. C'est sûr. Hein? Sinon, même si vous voulez pas y acheter un collier, achetez juste des Chipolo ou les petites pastilles qui sont faites pour les gadgets électroniques. Là, c'est comme juste une petite pastille, oui, comme au casino avec un trou dedans. Tu mets ça après ton porte-clés ou dans ce cas-ci après un collier normal de chien et tu perdras pas ton animal de compagnie. Moi, je pense que les animaux d'extérieur, ça devrait être obligatoire par la SPA. C'est vrai. Pour vrai, ça moi, mon chien, il va pas vraiment jouer dehors. Ouais. On le laisse pas aller. Donc, tu l'as jamais perdu encore? Donc, non, c'est faux. On l'a déjà couru dans la rue. Mais il fait plus maintenant. J'avoue que si un il chien... Il reste vraiment à côté. Si un chien est pour sortir et aller dans la rue, même s'il y a un collier GPS, il va pouvoir se faire frapper quand même. Ah, oh, mon Dieu, oui. On se dit ça, là. Mais au moins, tu vas le retrouver. Oui, j'espère que le GPS est fait solide dans ce cas-là. Donc, le collier est en deux pièces. T'as un module GPS sans fil et... Bref, tout ça, le module va non seulement trouver l'endroit où ton chien est, mais il y a plein d'autres choses, dont une lumière dedans. Tu peux avoir un sensor de température, un sensor, un moniteur d'activité et même une alerte sonore qui peut être utilisée pour entraîner ton chien. Par exemple, je sais pas, tu pourrais peut-être faire un bip à distance quand il dépasse une certaine ligne de ton terrain. Donc il va finir par comprendre qu'il n'a pas le droit de dépasser de pas y aller. Quelque chose comme ça. Donc ça va montrer l'activité quotidienne de ton animal, son endroit où il est situé. Et vous allez pouvoir aussi enregistrer vos promenades et inclure des photos que vous voyez sur la route. C'est quand même cool comme petite idée. Ça vient en quatre grandeurs différentes pour différentes grandeurs de chiens. Et tu peux même avoir un collier qui se snap après ou un genre de collier extensible si on veut pour pouvoir acheter un collier petit et le faire devenir un collier grand avec le temps. C'est bien pensé tout ça pour 179 US et un frais, c'est le frais qui est plate par mois, là, un 10$, c'est le prix de Netflix par mois. Là. Ouais. Mais bon, vous allez pouvoir économiser sur les prix par mois en payant pour une année ou deux ans à l'avance. C'est sur linkakc.com ou encore sur Amazon. Sinon, ce que tu peux faire aussi, là, c'est acheter une laisse. Oui, j'avoue. Ouais, mais tu sais, des fois, ils veulent laisser les animaux aller dehors pour aller faire leurs besoins, s'amuser tout seul, jouer, puis après ça, rentrer. Attache-le. Ouais, il n'y a pas de raison, vraiment. Mais tu fais une grande laisse là. Tu sais, j'ai pas eu de chien depuis un bon moment là, mais je sais que le chien a tendance des fois à s'enlacer autour de la corde. Fait peut-être que les propriétaires aiment pas ça avoir à sortir dehors pour aller libérer leur chien. Ben tu sais. Ouais. Si tu veux pas t'occuper de ton chien, achète-toi pas de chien. Et un chat. C'est ça. On reste dans le domaine des chiens. Si, oui. Là, on va vraiment être paresseux. Là. T'as le niveau paresseux qu'on vient d'avoir de pas vouloir sortir dehors pour aller promener ton chien. Mais imagine si tu veux sortir, le promener, mais que tu veux pas avoir à ramasser ses crottes par terre. C'est un sac, un harnais en fait, avec un sac intégré qui va venir récupérer les besoins de ton chien. C'est vraiment une mauvaise idée. Ah, c'est vraiment dégueulasse aussi, là, il y a une vidéo. Imagine, tu dois faire porter à ton chien un harnais, ce qui est déjà plate pour ton chien, mais en plus, il y a un condom au bout de son harnais. Exact. Pour aller récupérer ça, c'est pas le fun. 32$ canadiens, vraiment pas le fun. Hey, penses-tu vraiment que le chien, il est content de se promener avec ça? C'est une bête de cirque, rendu là. Il fait caca sur commande, c'est le merveilleux Philo. Ça, là, c'est encore une fois de l'irresponsabilité de l'être humain. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais pas m'aventurer sur ce terrain glissant. Tu l'as déjà fait pas mal. Mais il va non, être moins glissant. J'ai jamais fait ça, mon chien. Il va être... Non, mais tu viens de rire des gens. C'est ce que ça voulait dire. Non, c'est parce que je voulais tout simplement pas continuer puis me pomper sur l'irresponsabilité de l'être humain qui est vraiment très fréquente. Oui, parce qu'on se rappelle que l'émission où on s'emporte s'appelle Génie en liberté. Les jeudis matins à 10h. C'est ça, puis ils l'ont fait pour moi un matin, fait que j'ai plus besoin de le faire. Est-ce que tu rêves un jour de peut-être voir dans le noir, Tania? Je te dirais que oui, parce que ça m'arrive assez souvent que je suis pas capable de voir dans le noir, puis ça me gosse. T'as des bleus partout sur le corps pour en témoigner? Oui, c'est ça. Je rentre c'est souvent, ça. Honnêtement, dans ma base de lit. Ben, ça me surprend pas. Ça fait des tibias pas mal bleus. C'est ça. Donc, c'est une caméra à vision nocturne, mais vraiment extraordinaire. La photo sur assemblagerequis.com, t'as l'air de regarder un documentaire des années 90 de la nature et des canyons. Mais c'est une photo prise la nuit. Pas en HD, là. Pas en HD, effectivement. Donc, oui, t'as bien raison là-dessus. Donc, c'est une démonstration vidéo sur assemblagerequis.com de la X27 Color Night Vision Camera qui opère en noirceur totale, sauf qu'on a l'impression que c'est le jour. Peut-être un jour où il y a un petit peu de nuages qui cachent le soleil quand même. Mais imaginez, c'est vraiment cool. Et comme l'article le précise, ce serait parfait pour des sextapes. Oh mon Dieu! Fait que, t'as pas vraiment dit ça. Ouais. Et ensuite, on reste dans le mauvais goût un peu. Tu sais, là, des fois, je sais pas si t'as un gars dans ta vie, peut-être, je sais pas, j'imagine... J'ai un frère. Ou t'as un frère, peut-être ton père baisse pas le siège de la toilette. Mon père le fait, mon frère le fait pas. Ah ben le tannant! Mais tu vas pouvoir installer ça chez toi, ce serait vraiment extraordinaire. C'est une pédale pour le siège de toilette. Une pédale pour que quand tu pèses dessus, ça ouvre le siège, tu fais ton besoin et tu lâches la pédale, le siège referme tout seul. C'est magique, là. Je pense que j'ai acheté ça pour mon appartement. C'est parfait parce qu'on avait déjà vu des trucs avec des boutons ou des trucs automatisés avec une présence de mouvement ou je sais pas trop quoi qui refait mettre ton couvert tout seul. Mais là, avec une pédale, c'est quand même assez homemade dans le sens que c'est pas cher, le 37$ pour ça. Donc une pédale pour votre toilette, pourquoi pas? C'est vrai? Pourquoi pas? Bonne idée. Et ça redescend un petit peu comme qu'est-ce qui redescend là? Des fois des portes de garage, des trucs qui descendent lentement là, pour pas que ça fasse que cloud quand ça vient taper. Ensuite, ça c'est quand même spécial. Tu sais, des fois on dit bon, j'ai ma bulle, pénètre pas ma bulle. Ouais, rentre pas dans ma bulle. Rentre pas dans ma bulle. Ben là, tu vas pouvoir rentrer toi-même dans ta propre bulle qui va devenir ta bulle. Et en plus, c'est un haut-parleur. Donc c'est une place, c'est un speaker orb qu'on appelle. C'est comme un haut-parleur sphérique de grandeur humaine. Excusez, je viens de voir le prix. Ouais. Ouh, mais tu entres à l'intérieur et la musique vient t'envelopper, t'enrober, t'englober, peu importe. Oui, c'est sûr que ça se paie, cet environnement des plus luxueux. Pour 22 000$ canadiens, c'est énorme. Mais c'est des vrais haut-parleurs de qualité apparemment. Donc, vous allez pouvoir relaxer à la musique à l'extérieur, hein, bien sûr. Alors, on reste dans les sphères, on reste dans les pods, les grosses bulles. Ici, ce sont des bulles de couleur de survie. Donc, en avant, t'as une porte un peu comme une capsule dans les films de science-fiction. Ouais. Là, et tu entres là-dedans, tu refermes ça, Et tu peux avoir 4 adultes à l'intérieur. Ça peut supporter 9,3 tonnes de pression. Et ça offre une fenêtre renforcée. Renforcement de ta porte pour pouvoir voir l'espèce humaine se désagréger à travers le temps. On sait les chrétiens... Tu sais, tu sors de là, tu fais quoi? T'es tout seul, tout a été détruit. Est-ce que t'as vu sur YouTube le preacher américain qui vend de la nourriture en seau? Non. Non, c'est malade pour vrai. Il vend de la nourriture en seau comme, mettons, je sais pas, 50 gallons de sauce à nachos, mettons, ou 50 gallons de purée de blé d'Inde. Okay. Et il vend ça à la télé pour genre, je sais pas, mettons, 250$ pour 8 seaux ou 2500$, mettons, pour 36 seaux, je sais pas, c'est n'importe quoi. Et il te dit que c'est pour la fin du monde qui s'en vient, parce que les chrétiens disent tout le temps que la fin du monde s'en vient, tu comprends? Mais oui, les mayas. C'est ça. Donc, tu peux t'acheter de la nourriture pour la fin du monde, ou les attaques de zombies, ou d'extraterrestres, ou peu importe. Et il t'offre même à la télé d'en acheter vraiment beaucoup, plusieurs centaines de seaux, et de les mettre dans ton salon avec une planche de bois par-dessus pour faire une table, avec une planche par-dessus pour faire un matelas, une base de lit. Donc, tu vas avoir des seaux partout dans ta maison et ça paraît pas. Tu les caches avec des draps. Et puis quand la fin du monde arrive, tu manges de la sauce nachos, du chili, puis du blé d'Inde en purée. C'est incroyable. C'est stupide. Ça me fait triper. Il y a des remixes de ça sur YouTube, allez voir. Là. C'est malade. Oh boy. Donc les Survival Pods, ça se paye aussi pour 7 315 $ canadiens. Ensuite, ça c'est vraiment quelque chose qui... ça peut paraître un petit peu matante, mais en même temps, c'est quand même assez hipster. Je pense que le retour du tricot est vraiment là. Je pense que oui. T'as eu le retour du... Ben, pas le retour, mais on a essayé de la mode du coloriage. Oui. Bon, ben maintenant, la mode du tricot est quand même là aussi. Et c'est une machine qu'on peut utiliser à la maison qui vous amène à faire des trucs un petit peu automatiques. Ça s'appelle Knitterate. Knitterate, K-N-I-T-E-R-A-T-E, là. Hein? Donc, c'est... dans le fond, c'est une machine à tricoter qui accepte n'importe quel design que tu lui envoies et ça le recrée pour toi dans la vie. Donc, t'as pas à apprendre à tricoter nécessairement. Mm-hmm. Tu peux évidemment apprendre à tricoter à part, là, mais si tu veux te faire quelque chose de rapide avec du texte dans le milieu, mettons, que ça écrive ton logo d'émission, mettons, tu pourrais avoir en piste avec Tania Baudin, t'aurais pas à commencer à faire des patterns pour essayer de comprendre où est-ce que tu vas mettre les lettres pour que ce soit centré, etc., etc. Tu choisis le pattern à partir de templates qui sont déjà fournis, des patrons, si on veut. Ou sinon, tu peux créer tes propres designs sur un lit de tricot qui mesure 29 pouces de large. La densité peut être changée aussi. Je connais absolument rien dans ces termes-là. Ça coûte 4 600 $ US. C'est pas pour les gens qui veulent faire ça une fois, là. Mais peut-être que tu pourrais partir une business de tricot. Mais oui, c'est ça. Avec des logos, des formes dessus, ce serait vraiment bien. Ça pourrait être bien. Ce serait très, très hipster. Ça marcherait super bien. C'est sûr. Partir une boutique Etsy avec ça, puis c'est un succès garanti, je pense. Toujours dans le domaine du Etsy, un petit peu, les chandelles sont très populaires depuis vraiment très longtemps. Ici, on a une chandelle qui est à l'odeur de papier de divorce fraîchement signé. Oh, franchement. Ça vous intéresse, 25 $ canadiens. C'est l'odeur du parchemin légal qui déclare la mort de ton mariage. C'est stupide. C'est adorable. Ensuite, on reste dans le domaine des chandelles avec une chandelle qui sent le cup noodle. Les ramen en petits... Je suis pas sûr, j'aimerais ça. Au poulet, ça sent super bon. L'asiatique, c'est merveilleux. Ouais, les mais veux-tu que ça sente ça? Non. Pendant des heures chez toi. Pas tellement, non. À moins que tu manges de l'asiatique et tu veuilles vraiment comme faire une ambiance de ramen encore plus forte. Même à là, je le ferais pas. Pas sûr, hein? En plus, c'est officiel, hein? C'est un vrai produit cup noodle. Oh mon Dieu! Pour vraiment éclairer votre appartement d'étudiant, vous n'avez pas payé votre compte d'hydro puis vous n'avez pas d'électricité. C'est ça, au moins tu vas sentir les nouilles. C'est parfait. Déjà que ça sent les nouilles chez vous, fait que ça va juste continuer de sentir. C'est une importation japonaise, 30 $ 53 US sur Amazon. Évidemment, en importation, c'est plus cher. On reste dans les chandelles avec une chandelle au beef jerky. Ah, on change complètement de domaine. Là. Si vous voulez un petit peu plus de luxe et vous voulez avoir l'impression que vous êtes en train de fumer du bœuf. Ouais. De faire fumer du bœuf. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Tu fumes du bœuf? Non. C'est de par la compagnie PCBJ. Beef Jerky Candle. Non, ça, c'est son nom. Excuse-moi. PCBJ Beef Jerky Candle. C'est une chandelle de cire, bien sûr. C'est la collaboration entre People's Choice Beef Jerky. Et oui. Après le choix du président, c'est le choix du peuple. C'est encore, encore mieux. Et la compagnie de Chicago, Wax and Wick, une compagnie de chandelle. C'est une chandelle qui va durer environ 60 heures. C'est dans un... c'est fait la... Comment t'appelles ça? Comment t'appelles le petit truc que tu mets en feu pour... C'est la tige, là? Ouais. Y a-t-il un nom pour ça? La tige. Est faite en bois. Donc apparemment, okay. Ça dure plus longtemps, 60 heures. La mèche, voilà. Mèche, oui. Ça va sortir le bœuf, fait que ça va être du bœuf. 25 $ US. Oui. Pour ce gag. Ensuite, on parle souvent de services par abonnement, que ce soit pour votre animal de compagnie, que ce soit des céréales, des bonbons japonais, du café. N'importe quoi maintenant, n'importe quoi. N'importe quoi, dont maintenant des fleurs du mois. Ça dépend combien. Ça dépend combien? Oh, bonne question, c'est pas écrit dans l'article, on va aller voir, attention. Est-ce qu'on l'a? Ah, ça, le lien ne m'amène pas à la bonne place, malheureusement. Donc, chaque fois, tu vas recevoir un bouquet de fleurs. C'est tout ce qu'on a comme précision. Avec des instructions pour en prendre soin correctement et s'assurer de leur plus longue vie possible. Parce qu'évidemment, t'as pas le choix, faut que ça dure un mois. Oui, c'est ça. T'sais? Si c'est 15$ par mois, c'est correct. Non, c'est 181$ et 37$ canadiens. Je refuse. je dis non. Malheureusement, ça ne dit pas pour combien de temps. Les articles, des fois, sont pas super renseignés. Quand tu cliques sur le lien, ça t'amène nulle part. C'est 180$ par mois? Ben, je sais pas. D'après moi, c'est pour une année. Mais ils sont fous. Attends un peu, je suis en train de chercher ça. Je fais mes propres recherches. Attention, là, rechercher, c'est ici. Ah, c'est pour 12 mois. OK, 181 divisé par 12 mois. C'est pas si pire. Et les fleurs arrivent entre le 18 et le 23. On parle des États-Unis ici, là, quand même pas au Canada. On parle de 15$. Par mois. C'est plus cher que Netflix, on l'a dit. Ouais, mais t'as des belles fleurs. Ouais, mais c'est des fleurs, ça sert à quoi? C'est beau, c'est comme ton coussin tantôt de chat, il sert absolument à rien. T'as raison, chacun ses priorités. Exactement. Ensuite, est-ce que tu joues de la batterie un peu? Est-ce que t'as déjà... Écoute, j'ai déjà tapé sur une batterie, Ton frère, quand tu fermes pas, il baissait pas le siège de la toilette. C'est ça. Mais jouer de la batterie, non, je suis désolée, j'ai pas assez de talent musical pour faire ça. Ben, Colin, maintenant, tu pourrais peut-être l'apprendre avec des attachements de batterie pour les bâtons, là, mais intelligents. Tu vas pouvoir te pratiquer, jouer et enregistrer ta musique de n'importe où avec ces drumstick attachments qui sont connectés à votre téléphone cellulaire. Ça va par-dessus vos bâtons de bois normaux et ça va imiter, le son d'une batterie quand tu vas les taper sur n'importe quoi. Okay. Tu pourrais taper sur une table, sur un coussin et ça va enregistrer ces sons-là et tu vas pouvoir te pratiquer et t'amuser. Tout pour gosser tes colocs, finalement. Genre, mais au moins, t'as pas le bruit du métal pis des cymbales, ouais, tout ça, parce que c'est vraiment, vraiment trop. Pour les voisins, là, j'habite dans un bloc où il y a 4 loyers, là, pis 2 des loyers jouent de la batterie des fois. Moins de ces temps-ci, on dirait que l'été, ils jouent moins. Peut-être qu'il fait trop chaud. Mais ils sont dehors. Ah, ils sont peut-être dehors. Bref, 230$ pour ces petits attachements pour vos bâtons. Il faut que vous fournissiez vos bâtons vous-même, apparemment. Ah, OK. Ensuite... Tantôt, je te demandais si t'avais envie un jour de voir dans le noir. Oui. Est-ce que t'aimerais ça être vu dans le noir à la place? Non. Non? Surtout pas avec une vision nudité. Non, c'est ça, exactement. C'est des lunettes, en fait, qui brillent dans le noir. Tout ce qui est plus simple, le soleil pendant la journée va s'accumuler là-dedans ou je sais pas trop quoi. Et puis après, à la fin de la journée, tu vas pouvoir baisser la lumière et te faire voir de loin avec ces lunettes. Bleu de leur couleur, 37$ canadiens. En fait, il y a plusieurs couleurs disponibles, pas mal toutes les couleurs que vous voulez. Et c'est en couleur très très néon, le flash. Ouais, hein? Ouais. En fait, ça précise pas si c'est comme les petites étoiles qu'on met sur les murs, là, qu'il faut qu'ils prennent de la lumière avant de pouvoir. C'est peut-être une lumière intégrée dans la lunette, l'article ne le dit pas, malheureusement. Ça ressemble à de la vraie lumière, par contre, donc j'irais plus m'aventurer là-dessus. C'est vrai. Ensuite, c'est vraiment cool, c'est une station pour faire le ménage à la maison, vraiment pratique. Donc différentes tâches demandent différents outils. Là. Ça peut être des fois, une éponge, une mop, un balai, des trucs comme ça. Oui. Et là, tu te ramasses avec une mop complète avec son propre bâton. T'as un balai avec son propre bâton. T'as une éponge pour récurer les coins ou les bordures de mur, peu importe. Mm-hmm. T'as plein de gadgets comme ça. Et là, maintenant, voici qu'arrive le Lynx Duck Home Cleaning Tool, qui est un outil d'organisation un petit peu. C'est juste les têtes de tes balais et brosses et tout ça qui sont dans le rack. Et ton bâton est accroché par-dessus et tu peux venir snapper ton bâton à tous les outils. Ça, j'aime ça. Ça prend beaucoup, beaucoup moins de place. Ben oui. Donc, t'as une poignée à attachement facile, t'as une tête de balai, d'éponge, de microfibre, t'as des trucs secs, humides pour nettoyer, t'as le dock, t'as un paquet d'affaires comme ça. Et tout ça pour seulement 40$, je trouvais ça quand même pas pire. Et on peut voir un petit gif animé là, que c'est très, très facile d'enlever et de mettre un autre embout. Tellement pratique. C'est fort. C'est beau en plus, un beau petit bleu là, poudre. J'aime ça. Je dirais. Ensuite, tiens, est-ce que t'aimes Sailor Moon? Est-ce que t'écoutais ça quand t'étais jeune à TVA? J'ai déjà écouté ça. Ouais. Mais j'étais pas une grande tripeuse de dessins animés. Fait que déjà en partant, elle gagnait pas tous ses points avec moi. C'est ça. Mais tu sais, je dirais que c'est un animé japonais pour les gens qui trippent pas sur les animés japonais. Ouais. Ben, c'est des filles dans une académie. Là. C'est ça, avec des gros yeux. Ouais. C'est ça. c'est ça. Donc, il y avait des pouvoirs, évidemment. Des pouvoirs, ben oui. Puis là, t'avais une très très longue séquence de genre une minute et demie où elle se transformait en Sailor Moon. Oh, mon Dieu, c'était-tu long, rien qu'un peu. T'avais le temps d'aller chercher une orange puis de revenir. Parce que c'est tout le temps la même animation. Puis elle avait pas fini. C'est ça. Bref, imagine-toi des rouges à lèvres de Sailor Moon, mais qui changent de couleur basé sur votre niveau de pH. Hein? Un peu comme, tu sais, les bagues là, qui changeaient de couleur par rapport à ton humeur, entre guillemets. Puis qui te laissaient le doigt tout bleu, là, après. Genre, c'est ça. Imagine maintenant, tu vas avoir les lèvres bleues, peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des vrais rouges à lèvres avec les logos de Sailor Moon, les logos de chaque fille dans l'équipe, là, un petit 4, un petit symbole féminin, un petit symbole de cœur, bon, peu importe. Donc, c'est une marque japonaise, Queer Beauté. Qui donc s'associe avec Sailor Moon, avec un rouge à lèvres qui change de couleur dépendant de votre niveau de pH de votre peau. Et chaque couleur va avec chaque personnage de Sailor Moon. Ok, Sailor Scout. Je te pose la question. Oui. Combien est-ce que tu serais prêt à payer pour ça? Ah, facilement 4 pour une pièce. 4 pour une pièce? <C'est> Mon Dieu. C'est 28$ par chaque. Ben voyons donc. Mais par contre, ça inclut de l'huile de graines de macadamia. De l'huile de graines de tournesol et de l'acide hyaluronique pour l'hydratation. L'hydratation, voilà. Donc, c'est tout ça. Ça va être envoyé en juin 2017. Donc, ça se passe maintenant. Tu l'as dit, 28$ US. Et ça va finir sur les sites américains comme Queer Beauté. Les magasins qui distribuent les produits Queer Beauté. Boy. Ensuite, des fois, dans ton... Ben, je vais dire couple, mais... ensemble de deux personnes de sexe soit opposé ou du même sexe, dépendant de la relation. Est-ce que des fois, tu manques de conversation avec? Par message texte, oui. Oh! Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Ben... Vous forwardez un article. J'ai l'air niaiseuse, hein, s'il écoute présentement. Mais non, en fait, je réponds juste plus. J'ai rien à dire. Bonne nuit. Ça ressemble à ça. Wow, ça va bien. Non, mais on s'appelle à la place. Ouais, viens chez nous, on va fourrer ça de carré. Non, parce que non, on fait juste s'appeler, on a plus de choses à se dire que de texte. C'est vrai, vous êtes pas mariés. Donc, c'est des cartes pour démarrer des conversations, Tania, que je t'offre ici. Oui, OK. Hein? Donc, retomber en amour en redécouvrant votre mari, femme, copain, copine, compagnon, troupe polyamoureuse ou peu importe. Donc, chaque carte a une question et une citation qui sont supposées démarrer une conversation. Donc, ça coûte 12$ pour l'ensemble de cartes. Un exemple de carte qu'on voit sur l'image. Partagez des souvenirs de votre jour, de votre mariage. Quelles émotions ressentiez-vous? Quelle partie de la cérémonie se démarque le plus dans votre tête? Pourquoi est-ce que tu veux parler de ça? Ben, c'est pour démarrer une conversation de couple qui va finir mal, dans la même soirée. Clairement! Vraiment. Tu sais, c'est sûr, cette conversation-là, elle ne termine pas bien. Parce que là, si tu te remémores ton mariage, tu te remémores pourquoi t'as tombé en amour avec, mais tu vas te remémorer aussi pourquoi ça fonctionne plus. Qui est plus de même partout. Mais justement, en dessous de la question, t'as des petites phrases comme genre... Et là, je te cite vraiment sur la même carte, là, sur l'anniversaire de mariage. Oui. Ça dit en dessous, « Tu as volé mon cœur. » Ma sœur. « Ma sœur, ma femme. « Tu as volé mon cœur en me regardant avec tes yeux. » Et là, ce qui est le fun en dessous, c'est que c'est Song of Solomon 4:5, comme dans un verset de la Bible, motherfucker! Il y a des versets de la Bible, ces cartes. Tout pour vraiment gâcher un couple. Oh ouais, exactement. Achetez pas ça, finalement. Appelez-vous, même si vous êtes dans le même sens. Achetez des seaux de 80 tonnes de fromage nacho, ça va faire plus la conversation. Exactement, oui, c'est probablement la solution. Oh boy! Ensuite, Tania, un problème de la vie de tous les jours. Je sais que tu vas me dire, mais j'ai ce problème-là à chaque jour. Non, dis-moi non, comment réparer ça. Est-ce que quand tu remplis un sac Ziploc, t'as de la misère à le tenir debout? Ben, ça dépend ce que je mets dedans. Ça dépend aussi si t'as un bras ou deux, parce que s'il faut le tenir avec tes mains, on se comprend, pour pouvoir verser quelque chose dedans. Hein? Ben, en temps normal, je vais mettre quelque chose de solide dans... un Ziploc. Des craquelins, des trucs comme ça. Mais non, mais il va tomber sur le côté. De toute façon, là, faut que tu tiennes d'une main pour verser de l'autre. Là. T'as pas le choix, quasiment. OK, ouais, j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Aide-moi. Oui, c'est ça. Parce que là, je suis en train de regarder l'image, puis je suis comme, qui fait ça? Ouais, je comprends pas trop, là, en fait, parce qu'on dirait qu'ils veulent mettre du ketchup ou de la sauce tomate dans un sac Ziploc. Achète-toi donc des Tupperware. Ouais, hein? C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a une utilité à des Ziplocs, et c'est clairement pas du verser de la sauce. C'est pas celle-là. Donc, ça s'appelle le Hands Free Food Storage Bag Holder. C'est un truc pour tenir votre sac Ziploc debout pendant que vous versez de la sauce tomate dedans et que ton sac sera même pas hermétique, ça va descendre dans le frigo, ça va faire des dégâts. Il faut que t'achètes une mop avec 4 embouchements. Mais voyons donc. Ça coûte 12$. C'est un gadget qui tient votre sac debout. Là. J'imagine que ça pourrait aussi servir pour les sacs de colostomie, mais... Ah! Vous devriez probablement pas non, c'est ça. Le tenir debout. Mettez-y de la glace. Yark! C'est pas meilleur de la colostomie avec de la glace. Non, non, j'imagine que non. Un sac de... On reste dans les sacs, en fait. Oui, mais okay. On ne parle plus de caca ici. On parle, merci. Non, on parle de craquelin, de céréales, de trucs comme ça. Un sac de croustilles, par exemple, pour vous assurer, en fait, que votre sac soit complètement hermétique. Si vous voulez, si vous êtes vraiment parmi ceux qui veulent vraiment mettre du jus de tomate dans un sac Ziploc, ouais, c'est ça. Vous auriez besoin du Airlock Bag Resealer. D'accord? Donc, c'est un ça va remettre comment t'appelles ça? Ça va refusionner le sac pour qu'il devienne hermétique comme si tu l'avais pas encore ouvert, on se comprend. C'est une bonne idée. C'est donc un petit reseller qu'on appelle, pas comme un revendeur, mais un reseller. C'est comme une version miniature du food saver qu'on voit à la télé dans les infopubs tout le temps, là, qui vous vendent ça comme étant genre, bon, vous allez pouvoir mettre vos vêtements là-dedans, votre nourriture là-dedans, vos enfants là-dedans. Le food saver, mais version miniature. Vos enfants. Ouais, il n'y a pas eu de réaction. Fermez-le bien hermétiquement. Quand j'ai pas de réaction, je passe à la prochaine blague douteuse. Là, puis ça ouais, ça prend un tas de réactions. Ben, quand tu textes en même temps, c'est sûr semaine. Que. Ouais, c'est ça. Fallait pas que tu dises que je j'aime ça le dire le plus possible. J'aime ça, hein, t'as ça aussi tout là. J'aime ça. Mais tu peux faire la même chose avec moi. OK. Si je fais ça un jour. Mais tu le fais pas. Ben, je fais rien. En fait, tu le fais quand c'est moi qui parle. Oui. C'est pas vrai. Non. OK, je vais le faire quand j'ai dans ma chronique. Je prépare une chanson pour aller après, mais je fais rien qui est pas l'émission. C'est ça. Hey, je suis un professionnel. OK. Je suis quand même directeur technique. Oui, c'est vrai, t'as bien raison. Donc, croustilles, craquelins et céréales à l'intérieur de votre sac préféré avec un airlock. Pourquoi? Ah, il y a une... OK, c'est en... Wow! Pour avoir le courant pour faire fonctionner ça, c'est une prise USB. Faut que tu te branches dans une prise USB. OK. C'est quand même spécial. Ben ouais. T'as pas besoin de sacs spéciaux, c'est n'importe quel sac de plastique. Ça utilise une technologie microthermique. Il y a une batterie rechargeable. OK, c'est la batterie qui se recharge par USB. OK, je comprends. Voilà. Donc, tu as à faire comme le produit qu'on mentionnait tantôt et juste peser et ça va... Ça va fermer hermétiquement. Donc, le Fresh E-Tech Airlock, c'est sur freshetech.com. On peut l'acheter aussi sur Amazon. Ça coûte environ 15 $ américains. Voilà. Ensuite, tu sais, les jouets genre fidget spinner, hand spinner, là. Tu sais, là, que les jeunes ont dans l'autobus, ils l'échappent tout le temps. Ce que je comprends pas, là. Ouais. Non, et puis comment faire pour l'échapper aussi souvent que ça? Ben, ils font spinner puis ils le gardent pas dans leur main. Ben là, il y a du talent. Bref, pour les gens qui veulent un petit jouet de fidget un petit peu plus avancé, c'est un jouet japonais, un jouet de table qu'on appelle. Ça s'appelle le Kururin. Oui, ben oui, le Kururin. Est-ce que tu connais le Kururin? Pas en tout. C'est pas un humoriste, le Kururin Lisotte? Ça, c'est Corinne. C'est pas Corinne Kim Lisotte. Kim Lisotte, ouais, je pense que c'est ça. Bref, le jouet Flipping Toy Kururin, voilà, est fait en bois et c'est fait pour tourner sur une surface plate, donc sur une table. Ça ressemble, je vais vous dire visuellement, pour ceux qui veulent se l'imaginer. Ça a l'air d'un baril. Oui, un baril ou sinon un bout de corde à danser. Oui, ben oui, mon Dieu, tellement. Ça ressemble à ça. Donc, tu le fais tourner sur la table et c'est un petit peu comme, c'est comme un petit jeu pour faire parler la galerie. Là. C'est assez joli à regarder en vidéo. Allez voir ça. Ça coûte 13 $ sur kendamausa.com ou sur Amazon qui vend aussi des objets similaires si ça vous intéresse. Ensuite de ça, les cannes pour les personnes qui ont un problème physique ou peut-être un problème de vieillesse, ouais, mais qui veulent être en sécurité dans la rue. Oui, ben oui, parce que c'est souvent les personnes âgées qui sont comme ça, qui se font attaquer la nuit dans Montréal-Nord. Ils se font voler leur sacoche, ben etc. Oui. Et là, tu peux pas juste lever ta canne et commencer à frapper. La raison que t'as une canne, c'est que t'as de la misère à te tenir. Ben c'est ça, tu sais, fais attention. Là. Bon. Donc, il va falloir que tu te tiennes après un mur parce qu'il faut quand même que tu lèves ta canne et tu vas pouvoir frapper les gens. Il y a une lumière LED au bout et un stun gun. Hey, c'est vraiment agressif. De millions de volts. Ben voyons donc. Oui, et ça, c'est au bout de la canne. Vous allez pouvoir frapper, voir où vous frappez pour pouvoir frapper sur la hanche, un peu comme un congressman aux États-Unis se ferait tirer dans la hanche par un tueur fou. Exactement. Et après ça, tu vas pouvoir donner un choc aussi. My God! Donc imagine. C'est fou! 117 $ canadiens. Voilà. C'est tout pour ces... je pense que j'ai mis comme 30 liens, genre, dans cette chronique-là aujourd'hui. Ouais, je me sentais un petit peu... T'as vraiment été proactif. 25. Et voilà, c'est tout pour ça existe, ça ne devrait pas. Là, les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1109. Dans quelques instants, ça va être Tania qui va nous divertir pendant un bon bout de temps. Mais avant ça, on écoute Matt Visio avec réparer les départs. Ça va être les départs de conversation de tantôt avec des versets de la Bible, je te gagne, jeune homme. Si tu dis un verset de la Bible dans ta petite chanson, Matt Visio, là, ouais, il va te pogner. Je te donne un coup d'un million de volts. des images perdues sous l'escalier, sous des vagues étendues, oubliées. Des îles abandonnées, j'ai vu le sablier tomber à l'eau, tomber à l'eau. Des mille légers, légers à dormir. Au soleil oublié, oublié. Mettre le feu à l'eau, mettre le feu. Préparer le départ, Matt Vizio, dans l'assemblage requis. L'homme qui a la même voix que Tremblay. C'est vrai que Maxime Desbiens Tremblay, on l'a dit juste avant l'émission, il y a eu une pièce de Maxime Desbiens Tremblay qui a joué Comment Californie, je pense, bref. Je pense que oui. Même ton, même ambiance, j'aime bien, j'ai toujours aimé Maxime Desbiens Tremblay dans sa voix. Trifluvien? Oui, absolument, Trifluvien, absolument, ben oui. Et ami de C'est fou. Exact. On prend une pause au retour, Tania is gonna to Tania, assemblage requis. Pourquoi aujourd'hui? C'est fou, 89. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 12 juin 2017, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, on a du plaisir, on a une heure de fête déjà, un petit peu moins d'une heure, mais quand même. On regarde dehors la météo, on voit aussi les gens de la chasse-galerie qui se font livrer de la terre. Oui. Est-ce que c'est un nouvel ingrédient pour le menu des... Je sais pas, on se demande, il y a peut-être un party potager. Un partager. Oh, peut-être. Oh, on a un filon pour un prochain party de la GEQT. Écoute, on est comme ça, nous. On est de même, on a des bonnes idées. Justement, Tania va nous en partager de ses idées. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. De quoi on parle cette semaine, Tania Baudin? De quoi on parle? De quoi on parle, Tania Baudin? On parle une version de... longue de la toune, ça pourrait être. Ouais, c'est pas pire, hein? Okay. On parle de pouce vert. Oui, pouce vert. Avoir les mains vertes, avoir le pouce vert. Parce qu'en fait, c'est une expression qu'on entend couramment. Oui. Et c'est typiquement québécois de dire qu'on a les pouces verts. D'où ça vient, cette espèce d'expression-là? Bizarre. En fait, c'est avoir la main verte en partant, l'expression première, et non pas avoir le pouce vert. Mais c'est daté du milieu du 20e siècle et ça s'utilise qu'au Québec, bien souvent. Avoir les pouces, donc l'extrémité de la main, qui témoigne une aptitude particulière à faire quelque chose, et le vert désigne les plantes. On s'en va là. Oui. C'est plante, Mathieu Plante, je te comprends. C'est ça. Et on vient de parler de terre, donc tout fit ensemble. On a parlé de potager, on s'en va pas mal là, wow. On s'en va dans le jardin. Ça coule comme sur le dos d'un canard. C'est merveilleux. Avez-vous vu le lien que j'ai fait? C'était malade. En fait, on parle de potager aujourd'hui parce que récemment, j'ai pris la décision de déménager en appartement. Oui. Et puis, ma mère s'est fait un potager chez elle. Elle s'est fait un jardin. Puis là, je me suis dit, hey, c'est un peu plate que moi, j'aurais pu la chance de pouvoir voler tes tomates comme ça. Puis, on a commencé à se poser des questions, à savoir, est-ce que ça peut se faire d'avoir un potager en appartement? Est-ce que ça peut se faire que de transformer sa maison en une serre? En serre, ben oui. Où on peut faire plein de choses? Eh bien, sachez que oui, c'est possible. Et c'est un petit peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. En fait, on va parler d'appartement ou encore de condo. Mais c'est pas vrai qu'on n'a pas le droit de faire pousser des légumes ou des fruits lorsqu'on est en appartement. C'est comme juste on les peut... drogues illégales qu'on n'a pas le droit. C'est ça. Exactement. Comme on peut ne pas le faire quand on a une maison. Parce que je trouvais ça un petit peu plate, là. Ma mère, elle m'a dit, ben, tu sais, c'est ça, je vais en avoir trop, là, fait que tu viendras en chercher. Ouais. Là, j'ai là, qui t'a dit, j'ai pas le droit d'en faire pousser? Ah! T'as menotte? Tu prends pour qui? Tu prends pour ma mère? Hey! Oh! Hey! Dis-moi pas ça, je vais venir les chercher avec plaisir. Mais, on va m'en faire pousser pareil. Donc, avec ou sans balcon, si possible à faire, on peut se conditionner pour profiter d'au moins 6 heures d'ensoleillement par jour dans notre appartement. Et c'est là qu'on va arriver à pouvoir faire une espèce de potager. Donc, on peut facilement avoir des plants dans des pots, que ce soit sur le balcon. C'est sûr que si vous avez un balcon, ça vous prend... à la base, là, un petit peu de soleil qui va arriver sur votre balcon. Ça dépend du côté que vous êtes, ouais. Si vous êtes tout le temps à l'ombre, ben, je suis désolée. Là, achetez-vous une lampe LED. Là, je sais pas. Vous pouvez aussi accrocher des jardinières aux rampes ou encore même en accrocher au plafond. Tu sais, il y a eu une tendance j'imagine à m'amener... J'imagine tellement là, juste de prendre une jardinière mexicaine et l'accrocher au mur. Excuse-moi, mais j'ai cette image dans ma tête maintenant. Oh, c'est Mamma terrible. Mia! Mais c'est ça, vers les années 90, là, c'était comme quelque chose qu'on voyait dans toutes les maisons. Il y avait des plantes là, accrochées au plafond là, qui descendaient. Ouais. Là, puis il était, tu sais, des fois, là, il était un peu rendu molle, puis tu sais, il manquait d'eau, puis il manquait de soleil. Mais là, assurez-vous qu'ils ont de la lumière, justement. Et les plus faciles sont les jardins aromatiques. Donc, on parle d'herbes, on parle de ciboulettes, on parle de la menthe, on parle du persil, du basilic. Bon, vous aurez compris, là, ceux-là là, qui poussent dans pas grand-chose. Et vous pouvez soit les conserver à l'intérieur ou encore à l'extérieur. Donc, l'avantage, si on les fait à l'intérieur, c'est qu'on peut les avoir à l'année. Oh oui! Oh que oui! Et lorsque on essaie de faire un potager comme ça, bien souvent, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est d'agrémenter la maison. Tu sais, on veut que ça soit beau, on veut que ça soit un petit peu plus enjoué, enjouant et un petit peu plus joli avec du vert. Donc, on peut parler aussi de plants de lavande qui peuvent être extrêmement intéressants. Il faut aimer l'odeur de la lavande. J'allais dire. Si vous fait ça. Mais ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir en faire des sachets que vous allez pouvoir mettre, par exemple, dans vos armoires ou dans vos penderies. Puis ça va faire comme une espèce de Febreze maison. Vous allez pouvoir prendre votre sac Ziploc avec le truc pour le tenir debout. Et après ça, le truc pour le sceller. Exactement. Par la suite, on tombe dans les fruits et les légumes. Mais on se dit, ben, c'est sûr, j'irai pas me faire pousser les carottes sur le balcon. Là, c'est un peu bizarre. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des fruits et il y a des légumes qui sont sensiblement beaucoup plus à l'aise dans le monde de l'appartement et du condo, contrairement à ceux qu'on peut avoir dans un jardin, dans notre cour, chez nous, dans une maison. Ouais. Donc, les tomates cerises, c'est un des fruits les plus géniaux parce qu'on peut en avoir une quantité phénoménale et c'est petit. Donc, ça ne vous prendra pas énormément de place. Et ça ne dérangera pas les voisins avec l'odeur comme la lavande. Ben c'est ça. Et on peut aussi avoir des graines facilement en magasin, en épicerie. C'est quelque chose qu'on peut trouver, qui vont être extrêmement faciles à planter et faciles aussi à conserver. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'informer pour trouver des plants qui peuvent pousser jusqu'à une certaine hauteur seulement, parce que c'est un petit peu ça aussi, le hic dans un appartement. C'est souvent la hauteur. Tu sais, tu te dis, chez mes parents ou dans une maison, tu fais pousser comme tu veux, puis that's it. T'as pas besoin d'avoir une réglementation de la hauteur de ton plant de tomate. Mais si tu fais pousser ça dans ton salon, en appartement, puis que ton plant de tomate est rendu jusqu'au plafond, c'est un petit peu plus désagréable. Donc, il faut savoir et il faut s'informer lorsqu'on va chercher nos plants, jusqu'à quelle hauteur ça peut se rendre, et surtout s'il y en a qui peuvent se rendre à une certaine hauteur minimale. Si toi, ça te tente pas d'avoir un plant de tomate vraiment haut, mais informez-vous par rapport à ça. Il y a aussi la salade qui peut être très bien mise dans une jardinière sur le bord du balcon. Il y a certaines personnes aussi, je vous le dirai tout à l'heure, un petit peu plus tard, mais les bouts de salade, les cœurs de salade, vous pouvez les conserver et les replanter. Okay. Donc, ça va pousser et ça va pousser très vite, sachez-le. Et les épinards aussi, c'est une belle option. C'est un petit peu comme la salade, puis ça va pousser assez rapidement dans une jardinière. C'est bon. Ben oui, c'est ça, c'est bon, puis ça va vous donner de la diversité aussi dans tout ça. On parle aussi de concombre, c'est quelque chose qui va pousser très vite. Donc, en appartement, c'est sûr, que ce soit en appartement ou que ce soit chez nous, ça va être le temps surtout d'une durée de pousse pour qu'on puisse en avoir terminé la récolte avant que le froid s'en vienne. Ouais. Mais souvent, en appartement, si on a la lumière adéquate à l'intérieur, c'est qu'on va pouvoir les garder plus longtemps que si on le fait sur le balcon. Et par la suite, bien, il y a les radis aussi, mais il faut aimer ça, là. Ah, moi, personnellement, je serais pas tout le temps sur les radis, mais on peut faire même pousser des radis dans le gravier. Ah oui. Tout simplement parce qu'on avait échappé, on peut facilement faire pousser du radis un petit peu partout. Donc, il faut vérifier parce qu'il y a beaucoup de variétés qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. Oui. Puis certaines qui sont plus fortes aussi, moins fortes. Exactement. Donc, c'est surtout de faire la recherche sur qu'est-ce qu'on veut comme légumes pour être certain qu'on n'aura pas de problème par rapport à ça. Du côté des fruits, il y a les cerises de terre qui sont très chères, même en saison, mais on peut produire une récolte qui va être quand même assez abondante. Et ça fait des bonnes confitures, mais ça fait aussi une certaine différence dans les goûts. Mm-hmm. Ça va être beaucoup plus terreux, on le sait. Ça ressemble quasiment à une tomate. Ouais. C'est quasiment entre une cerise, une tomate. Il faut aimer ça, mais si on aime ça, c'est quelque chose qui peut être très facile à pouvoir produire dans un potager en appartement. Il y a aussi les fraises. Et les fraises, ce qui est le fun, c'est que vous n'aurez pas besoin de les accrocher, par exemple, à votre balcon en appartement ou à les mettre dans un pot. Vous pouvez tout simplement les mettre dans des corbeilles suspendues et à y donner un petit peu de soleil encore une fois. Et c'est comme ça que les fraises vont pousser. Ils n'ont pas besoin d'être automatiquement plantés dans un pot ou accrochés à l'extérieur pour pouvoir pousser. Et c'est le fun, ça va vous donner des fraises. Oh, miam. On aime ça. Ben oui. Par la suite... T'essaies juste de faire un smoothie, toi, avec épinards, fraises... Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Ça ressemble à ça. Je te vois venir. C'est vrai, hein? C'est ton jardin à smoothie. Exactement. Il y a plusieurs façons de créer un jardin en appartement, il faut le savoir. Le premier, c'est que vous faites cultiver votre mini-potager. Donc, vous n'allez pas besoin d'avoir d'un jardin, comme on le disait tout à l'heure. On parle d'un carré de balcon, là, ça peut suffire. Et quand on parle d'un carré de balcon, bien souvent, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se trouver un bac... qui devrait être vraiment pas gros. Là. Je peux pas vraiment donner d'indicatif comme un à la radio. Oui, c'est ça, un peu. Ou un petit peu plus large, un petit peu plus haut pour qu'on puisse quand même avoir des légumes qui vont avoir des racines qui vont pouvoir rester un petit peu plus longtemps. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est de consulter un calendrier parce que c'est souvent ça qui va nous aider à quand semer, quand planter et quand récolter aussi. C'est sûr qu'on peut y aller à l'œil parce que si vous avez une maman comme la mienne, elle est habituée de faire un jardin puis vous checker dans les feuilles puis tu le sais quand ton concombre est prêt. Mais sinon, c'est quand même bien de poser les questions lorsqu'on va chercher les plants ou lorsqu'on va chercher les graines pour qu'on s'informe justement. J'ai tout le temps avant l'hiver ou avant le froid là, pour que ça puisse pousser et que je puisse le récolter. Le deuxième truc aussi pour avoir un potager en appartement, c'est de recycler nos fruits et nos légumes. Là, quand on parle de recycler, ça peut sembler bizarre pour certains, mais bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter les restes, soit de fines herbes, de fruits ou de légumes, après avoir cuisiné. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui repoussent très facilement. On parle entre autres de la laitue, comme je le disais tout à l'heure. On parle aussi de l'oignon, la carotte, le gingembre, l'avocat ou encore l'ananas. Ouh, l'ananas! Oui. L'avocat, vous allez tout simplement replanter le noyau dans la terre. Et l'ananas, bien, vous allez le replanter le haut. Donc, vous allez garder une bordure de l'ananas sur quand vous allez couper le dessus. Et c'est ce que vous allez pouvoir replanter pour que ça puisse en recréer un autre. Cool. C'est sûr que ça ne va pas replanter un ananas qui va être de la même grosseur parce qu'on n'a pas les mêmes températures, on n'a pas les mêmes chaleurs que où les ananas sont cultivés en temps normal. Mais ça va peut vous faire des ananas qui vont être un petit peu plus petits. Ça mange pareil. Tout autant, c'est ça, tout autant comestible. Par la suite, on va essayer d'opter pour les kits de jardinage. Oui. Tu sais, ceux qui sont déjà tout fait. Si vous hésitez justement à savoir comment vous allez planter, bien vous allez pouvoir opter pour un jardin clé en main. Donc, il y a plusieurs centres d'horticulture là, qui en ont plein. Ça se vend, c'est pas très, très cher. On parle de mini coffrets où on va justement avoir des graines, où on va avoir des boîtes et on va souvent aussi avoir déjà un sachet de terre avec lequel on va pouvoir partir. Par la suite, ce qu'il faut garder en tête, c'est de choisir des petites plantes. Donc, si vous avez pas beaucoup d'espace, bien, il faut garder en tête qu'on veut pas un espace qui va être rempli de feuilles absolument. Donc, on veut garder en tête les petites plantes, comme par exemple les cactus. C'est très, très à la mode, ça aussi. On parle aussi des mini-plantes qui vont être grasses ou les succulentes, donc qui vont être faciles à cultiver. Et vous allez pouvoir faire un tour sur les marchés. Encore une fois, poser les questions lorsque vous allez arriver chez l'horticulteur. Et c'est souvent ça qui va vous aider à avoir des belles plantes sans encombrer votre environnement. Et vous pouvez prendre de la hauteur. Tout à l'heure, on parlait de faire attention, mais ici, on parle de prendre de la hauteur. C'est une autre façon de gagner de la place. Donc, c'est de soit suspendre ses plantes ou encore, avec une vieille palette de bois, de décider de faire plusieurs plants, mais à l'intérieur de la palette de bois. Oui, j'ai vu les palettes de bois. Tantôt, justement, on parlait de la chasse-galerie qui amenait de la terre. On a vu des palettes de bois aussi. Fait que ça a peut-être rapport avec faire un jardin à la chasse-galerie. Peut-être. Et c'est très, très, très Pinterest. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a plein d'idées de justement comment avoir des plants en hauteur dans des palettes de bois. C'est super beau sur un balcon. C'est sûr que ça ne vous prend pas un balcon qui fait 3 par 3. Là. Ça prend quand même un bon balcon avec une profondeur, mais ça peut quand même très bien se faire. Et par la suite, eh bien, c'est de jardiner sous verre. Qu'est-ce qu'on veut dire par jardiner sous verre? Bien, on va souvent entendre parler de terrarium. C'est une tendance qui est do-it-yourself, donc DIY, encore une fois, très Pinterest. Mais depuis quelques années, on voit ça de plus en plus parce qu'il demande peu de matériel. Donc, ça demande un bocal en verre, du sable, des cailloux, quelque chose de terreux et des mini-plantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que c'est très facile à composer. Si vous n'êtes pas créatif, par exemple, vous pouvez acheter quelque chose qui va être déjà tout fait en kit. Mais il faut d'abord un bocal qui va être soit ouvert ou fermé. C'est selon ce que vous voulez y faire pousser, tout simplement. Et par la suite, vous allez y mettre le sable, les petits cailloux et vos plantes par-dessus. Et c'est comme ça que les racines vont venir se forger dans le fond et ça va pouvoir vous créer des plantes qui vont être beaucoup plus grosses par la suite. C'est le fun, c'est cute, puis ça peut très bien faire un centre de table à un certain moment. Il y a certaines personnes qui les font dans des anciennes bouloirs là, qui sont transparentes. Wow. Donc c'est cute, ça a quasiment l'air d'un aquarium pour poissons, sauf que c'est juste des plantes qu'il y a à l'intérieur. Et tout à l'heure, on parlait de potager, mais là, je vais vous parler de plantes parce que j'ai découvert qu'il y a des plantes qui sont dépolluantes. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que super plantes. Ben souvent, en appartement, on a des odeurs, on va avoir des microbes, comme dans une maison, ou peu importe, là, je parle pas juste d'appartement, c'est vraiment pour les gens qui aiment l'horticulture, qui pensent peut-être vouloir avoir des plantes, qui sont peut-être pas tout le temps super bons pour pouvoir savoir quand les arroser. Ouais. C'est pas grave, parce que ces plantes-là, c'est des plantes d'intérieur qui ont besoin de peu de soins. Donc, c'est quoi une pollution dans une maison? En partant, ça pourrait peut-être nous aider sur quel genre de plantes il faut avoir. Et déjà, en partant, ça va être invisible. C'est souvent inodore, mais pas anodine pour notre santé. Et la pollution de l'air, c'est à l'intérieur des origines très variées. Donc, on peut parler de matériaux de construction, le revêtement des sols ou encore des murs, la peinture, le vernis. On parle aussi de colle à papier, les tapis, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de pollution dessus. Et les meubles en bois aggloméré, là, donc qui ont déjà été vernis et tout ça. Et les produits d'entretien ménager. Alors, c'est quoi les effets sur la santé? Bon, c'est sûr que vous allez pouvoir tomber malade à certains moments. La présence des substances toxiques, par exemple, bien, ça peut donner des mal de tête, ça peut donner des saignements de nez, tout simplement à cause de la poussière et ce genre de choses-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, c'est un principe qui est vraiment très naturel et ça fonctionne de jour comme de nuit. En fait, les plantes vont venir absorber par les feuilles les polluants de l'air. Donc, principalement, ça va venir absorber le benzène, le formaldéhyde, on parle de xylène. Ce sont tous des agresseurs qui sont identifiés dans des appartements, dans des endroits intérieurs depuis plusieurs années. Sûrement des trucs de cigarettes, là, entre autres, avec exactement. Les voisins. Et tout ça va être filtré, puis ça va être dirigé par les racines qui, eux, vont les convertir en produits organiques qui sont sains pour nourrir la plante. Donc, c'est dépolluant pour vous, mais c'est nutritif pour la plante. Donc, c'est un processus de transpiration et la plante va émettre de l'oxygène sous forme de vapeur d'eau. Et en règle générale, plus une plante va consommer d'eau, plus elle va générer de l'humidité. Donc, elle va éliminer des polluants beaucoup plus rapidement. Il y a des plantes... Je confirme en passant que le formaldéhyde, c'est bien la cigarette et même la cigarette électronique. Merci beaucoup. Donc, il y a des plantes qui sont dépolluantes et c'est vraiment très simple. En fait, il y a vraiment plusieurs types de plantes, là, mais il y en a certains qu'on voit dans plusieurs maisons, qu'on aurait peut-être jamais pensé que c'est dépolluant, mais que si on enlève, à un moment donné, tu fais comme, voyons, il y a même de la poussière ici, puis tu te rendais pas compte que c'était en fait ta plante qui dépollue ton environnement. Wow. Donc, on a l'aglaonema. C'est une situation qui a pas besoin de beaucoup de lumière. C'est une plante qui a pas besoin de beaucoup de lumière pour survivre. Donc, c'est touffu et c'est dépolluant. En fait, elle va augmenter son pouvoir en absorbant quand elle va grossir. Donc, plus on va la nourrir d'eau, plus la plante va grossir, plus elle va monter aussi en hauteur et c'est comme ça qu'elle va venir dépolluer votre environnement. C'est extrêmement facile à cultiver et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à l'entrée, mais dans une pièce sombre et ça va supporter le chauffage et la climatisation aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui va demander beaucoup de temps au soleil ou quelque chose qui va demander beaucoup de temps à l'ombre. C'est vraiment une plante qui est habituée au changement de température dans une pièce. Par la suite, on a une plante qui s'appelle souvent le flamant rose, ou si vous y allez vraiment là, du côté « je connais les plantes puis j'en veux une », mais vous pouvez vous pointer au magasin en disant « j'aimerais avoir un anthurium ». Donc ça, c'est communément appelé le flamant rose, mais c'est décoratif. Ça a des grosses fleurs rouges et c'est verni toute l'année. Donc on arrive en tête des palmarès des plantes les plus dépolluantes, mais sa culture est très délicate. Donc c'est quand on parle d'emplacement, on va souvent l'avoir dans une cuisine ou dans une salle de bain humide et chaude parce qu'on a besoin de cet environnement-là, de l'environnement humide, de l'environnement où ça va être chaud. La cuisine, on cuisine souvent là, donc il y a beaucoup de chaleur qui se crée et ça va absorber, entre autres, les insecticides, les dégraissants et les produits javelisants. Ah oui. Donc, c'est le genre de plante qu'on veut avoir absolument dans un appartement, surtout si notre appartement est petit et qu'on se dit, bon, aujourd'hui, là, je me lance sur le gros ménage. Bien, notre plante, elle va aimer ça parce que ça va se nourrir de ça, puis nous, ça va dépolluer notre environnement. Il y en a plein comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Une autre qu'on voit souvent, c'est celui qui ressemble à un palmier de bambou. Mm-hmm. Je sais pas si toi, t'as déjà vu ça. Ouais. Moi, j'en avais quand j'étais jeune chez moi. Ça s'appelle un chamaé d'Orea. si je le dis bien comme il faut. Et c'est un palmier qui est nain et c'est une des plantes les plus efficaces pour humidifier l'air et éliminer les polluants. Donc, on demande vraiment peu de soins. C'est une des plantes qui va demander le moins de soins et ça vit extrêmement longtemps dans le même pot. Donc, si on adore ça, on n'a pas besoin de le planter, le déplanter, rajouter de la terre, rajouter de l'eau. Et l'emplacement, bien, on parle de salon, on parle de bureau aussi, on peut parler d'une chambre sans soleil directement dessus la plante, mais dans un endroit qui va être quand même assez lumineux. Et on va absorber l'ammoniac, on va absorber aussi la fumée de tabac, on va absorber les dégraissants et on va aussi absorber les cols. Donc, on parle vraiment de beaucoup de choses qui vont être absorbées par cette plante-là. Si vous voulez y aller pour juste une plante là, qui va quasiment faire toute la job dans votre appartement, bien, je vous dirais que c'est une de celles qui va être les plus efficaces en termes de dépolluer votre air et de rendre votre appartement un petit peu plus sain. Rappelle-nous son nom. J'ai dit le palmier, le palmier bambou. Le palmier bambou. Et si vous voulez savoir aussi, ça vous fait le dire Chamae dorea. D'accord. Chamae dorea. Ou vous pouvez y aller avec, tu sais là, ça ressemble à un palmier puis un bambou, ouais, tout ça. Ils vont savoir. Il devrait être pas mal correct pour vous trouver ça dans au magasin. Et voilà. Cool, hey, merci Tania. Ça fait plaisir. C'est le fun ça. On dirait, il manquerait rien que Mario Tessier puis Anne-Marie Wittenshaw. Non, c'est pas vrai. Pareil. Merci Tania. Ça fait plaisir. Tiens, on se quitte pour une petite pause. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais avant ça, on se écoute un extrait d'une chanson qui a tellement de sens en ce moment. Ah ouais? Ceux qui font des saletés, à d'un côté, ceux qui font des saletés, nous, c'est la saleté qui doit régner partout. On passe notre temps à polluer, ça nous abuse comme des goûts. Et nous ne serons satisfaits que quand tout sera détruit. Ce qui restera après, c'est bien le dernier de soucis. À l'autre côté, ce qui est bien. Pour l'écouter. 89.1. Nous voici dans la forêt des sapins verts, calme, paisible et sereine. Enfin, jusqu'au réveil de Benoît Laveur. Heureusement, il a des amis fidèles qui l'aident toujours à se tirer d'embarras. La vie serait simple dans la forêt des sapins verts, si ce n'était de Cyril Rictus. Et sa vie à lui serait aussi beaucoup plus simple si ce n'était des amis ratons. Oui, trouve que notre chanson thème est meilleure que celle des émirats. Toujours Assemblage Rocky pour la semaine du 12 juin 2017. Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques minutes, si tout va bien, on devrait avoir une petite surprise, performance musicale et entrevue avec le groupe Days. C'est dans quelques instants. Mais avant ça, on a du temps pour une petite chanson. Non pas une chanson thème d'émission de télé de notre enfance. Non. On s'en va entendre une pièce que je dédie aux plants de tomates que tu vas planter et qui, j'espère, vont pouvoir faire des tomates qui vont comme suspendre après les branches. Là, mais grâce je suis pas certaine que je vais me lancer dans les tomates. Non? Ah, c'est triste, ça. Hein? Mais je vais me lancer dans l'ananas, je pense. L'ananas. Bref, je vais te dédier la chanson Gravity. D'accord. De Amelia Curran. À son la chanson. Thank you. la somme d'Olinéa et avant ça, on a entendu? Ouais, hein? Gravity. Ah, Gravity de Amelia Curran, c'est exactement. Vrai, tout à fait. Oui, deux pièces, c'est rare qu'on écoute deux pièces en même temps, ça m'a mêlé un petit peu. Donc, on a un petit lousse en ce moment. Oui. Ce qui est le fun, une fois de temps en temps, d'avoir un minuscule lousse. Donc, voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. On n'a pas fait cette chronique depuis le début du mois d'avril, si je me rappelle bien. Et là, on est à la mi-juin, donc on a deux mois à rattraper de fêtes niaiseuses qu'on peut célébrer pendant l'année. C'est le fun, c'est une de mes sortes de chroniques préférées. J'aime ça, ça nous amuse, ça sert absolument à rien. Mais bon. On adore ça. Voilà. Commençons par le mois de mai, le mois qu'on vient de rater, parce qu'on n'a pas pu le faire avec cette chronique-là. Commençons par donc le 1er mai, qui était la journée de la loyauté. C'est une relique américaine de l'ère McCarthy, donc ce qu'on appelle souvent le McCarthyism, alors que le communisme prenait en popularité pendant les années 20. La fête qu'on appelait le Labor Day, jour du travail, ou sinon May Day, donc le 1er mai, était rapproché à ça, était lié à ça. Donc pour combattre la menace du prolétariat, on a proposé que le 1er mai soit une fête pour tous les Américains pour réaffirmer leur engagement à leur patrie. Le Congrès l'a rendu officiel en 1958 et l'ancien président Eisenhower a rendu ça formel en décrétant que le 1er mai 1959 était donc une journée de fête officielle. Et depuis ce temps-là, annuellement, ça a lieu et on le fait avec tous les présidents. Donc c'est la journée du 1er mai qui est la journée de la loyauté. Ensuite, la journée du scurvy. Le scurvy? Qu'est-ce que le scurvy? Une vieille maladie qu'on avait dans le temps des pirates. OK. En français. Pas le scorbut? Le scorbut, c'est exactement ça. Pour vrai? Exactement ça. Je savais pas que scurvy, c'était oui. Le scurvy. Donc, la maladie préférée des pirates, que sa propre fête internationale. Il y a un site web au complet. Hein? Donc, vous pouvez aller voir limestrong.com pour faire vos propres cocktails inspirés par le scorbut. Vous allez pouvoir mettre de l'acidité dans votre sang, parce que ça a rapport avec l'acidité. Oui. Le scorbut. Ensuite, le 3 mai, c'est la journée où on câline son chat. Ah, OK. À ne pas confondre avec la journée de câliner le chat de quelqu'un d'autre ou la chat. Ouais, tu pensais que j'allais faire ça? Ouais, j'étais sûr que t'allais faire celle-là en nombre. Je disais, non. Donc, la journée Hug Your Cat, qu'on appelle, est le 3 mai. Certains la célèbrent le 4 juin, dépendant du pays, dépendant de l'endroit. Donc, faites les deux. Tiens, pourquoi pas. Ensuite, bon, on sait, on n'en parlera même pas plus que deux secondes. Le 4 mai, c'est la journée de Star Wars, bien sûr. May the Force will be with you. Ensuite, le 5 mai, le Cinco de Mayo, on connaît tous ça. C'est la fête qui, en espagnol, veut dire le 5 de mai. Et des fois, on prend 5 shooters de tequila. Ça a ses racines dans l'État mexicain de Puebla. Ça commémore l'armée mexicaine qui a réussi à faire tomber l'armée française mieux équipée à ce moment-là. Et puis donc c'est la tradition de boire beaucoup à cette fête-là. Et on dit que c'est les Américains qui en sont responsables. Le Cinco de Mayo. Cinco de Mayo. Ensuite le 6 mai c'est la journée nationale des infirmières. Oui c'est vrai parce que j'ai beaucoup d'infirmières sur mon Facebook. Oh, et ça popette partout. Ah oh, oui, ils se popellent champagne. Ils se popellent champagne. Voilà. Donc c'est la journée qui démarre la National Nurses Week. Et qui se conclut avec l'anniversaire de Florence Nightingale. La première et la plus connue des infirmières. Ensuite, le 9 mai, on parle de la journée nationale de commémoration des bas perdus. Oh! Oui, donc c'est le moment d'accepter le fait que votre bas est probablement perdu pour toujours. C'est triste. Dans un mécanisme de laveuse ou peu importe. Donc, c'est une journée de deuil. Une journée de deuil. Ensuite, le 10 mai, c'est la journée du ménage de votre chambre. Ah, OK. La journée sûrement la moins préférée des jeunes enfants. Ouais, c'est ça. Donc, pour les adultes, c'est une invitation saisonnière à enfin attaquer les tâches de nettoyage du printemps. Ensuite, le 11 mai, on a raté la journée nationale de Twilight Zone, qu'on appelle des fois, je crois que c'est la quatrième dimension en français, Twilight Zone, l'émission de science-fiction et d'anthologie. Je pense que ouais, ouais. Donc, c'est ça, on rend hommage aux univers parallèles et à l'imagination derrière de Twilight Zone, une des meilleures séries de science-fiction qui a jamais été écrite. Là, ne pas confondre avec le vampire qui sparkle au soleil. Eh boy, non! C'est pas Twilight ce Twilight-là. Commence-moi pas, hein. Pas là-dessus. J'espère qu'il n'y a pas de fête de Twilight. J'espère pas, je penserais pas. Ensuite, le 13 juin, c'est la journée des grenouilles sauteuses. Oh! En fait, ça s'appelle Frog Jumping Day. C'est une des premières courtes nouvelles de Mark Twain qui avait amené l'image d'une grenouille sauteuse dans le collectif imaginaire des Américains et ensuite ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est cette date-là? On ne le sait pas, mais c'est la journée des grenouilles sauteuses. OK. Ensuite, le 14 mai, c'est la journée nationale de danser comme un poulet. Non! Chicken dance, en français, on l'appelle la danse des canards. Je sais pas pourquoi, mais bon, en anglais, c'est un poulet. Que voulez-vous, hein? Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, une célébration où on danse la célèbre danse, l'interprétation de ce joli petit tango aviaire, j'ai dit. Hey boy, hein? Ensuite, le 17 mai, c'est la journée nationale du Pack Rat. Tu sais, quand on parle souvent, on voit à la télé des émissions de hoarders, les oui, gens qui... Oui. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Les gens qui gardent trop d'affaires. Qui gardent beaucoup trop de choses, Les gardeurs, on va dire ça comme ça. Bref, il y a une ligne entre la nostalgie, garder des vieux trucs, et devenir vraiment dépendant, un peu propre, c'est ça. Donc, pendant une journée, vous avez le droit de garder vos trucs comme ça dans le sous-sol sans vous faire juger par personne. C'est la journée. Il y a des gens, là, c'est une maladie, en fait. Il y a des gens qui... Oui, psychologique, ben oui. Oui, c'est ça. Absolument. Mais dans des émissions, là, tes voix, ils se font évincer. Là. Oh! C'est pas beau à voir. C'est sûr, ça sent le mort là-dedans. Une chance que c'est pas en euros. Comment on appelle ça? Eurovision? Non, olfavision. Oh mon Dieu! Le 22 mai, la journée nationale où on achète un instrument de musique. Oh! Achetez-vous votre gros piano là, pour votre appartement. Achetez-vous votre guitare et votre batterie, mais pas en appartement. Non, c'est ça. C'est le 22 mai. Pensez aux voisins. Ensuite, toujours dans le rattrapage, on est au 23 mai, la journée de la Lucky Penny, donc la scène chanceuse. Gardez vos yeux par terre pour trouver une pièce de monnaie qui va vous devenir chanceuse. Surtout qu'ici, ça n'existe plus. Ouais, ben il y en a encore, là, quand oui, même. Oui, mais on a arrêté de les utiliser. Ben, raison de plus d'en échapper à terre pour rendre quelqu'un chanceux. C'est vrai. Le 26 mai, la journée de Sally Ride. C'était la première femme dans l'espace, Dr. Sally Ride, qui a bien mérité sa propre journée en son honneur. Ensuite, le 29 mai, c'est la fin du Moyen-Âge de journée. Hein? Donc, en 1453, à cette date-là, le Moyen-Âge est terminé. En fait, on dit que c'était officiellement la fin du Moyen-Âge. La conclusion est que l'ère qui a commencé à ce moment-là était la Renaissance. Oh, d'accord. Une période d'autres périodes d'influence dans l'histoire européenne. Voilà. Ensuite, le 30 mai, c'est, je vais le dire en anglais pour commencer, « My bucket's got a hole in it day », la journée « Mon seau a un trou dedans ». J'imagine que c'est le même genre de seau que notre ami le preacher américain qui nous vend du maïs en purée dans les infopublicités américaines ou du fromage nachos en gros galon. Bref, inspiré par la chanson folk du même nom, « My bucket's got a hole in it », la MBGHD. C'est une tradition, mais il n'y a pas vraiment de choses à faire là-dedans. C'est juste que les choses pourraient être pires. Oui. C'est tout ce qu'on a à penser à ce moment-là. Je crois qu'on peut se permettre de continuer, cher. Continuons avec le mois de juin. Continuons. On a des fêtes à célébrer parce que là, on est rendu à... On vient de faire le mois de mai, mais on est rendu quand même à la mi-juin. Donc, oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu la photo. Ah, OK, oui. Les réflexes, hein, c'est comme un... Oh, c'est comme un coup sur le genou. Tu sais, il y en a, là, que c'est les araignées. Oui. Moi, là, c'est les serpents. Mais explique-moi, est-ce que c'est la texture gluante? Je sais pas, c'est le tout. C'est, des fois, ça peut être mortel. Oh! Ah. J'aime vraiment pas ça. Bref, mois de juin, c'est le début de l'été. Donc, commençons pas avec des serpents, non? Commençons plus relax quand même. En fait, ben ça parle de cobra, mais c'est... C'est un peu compliqué, celle-là, le 2 juin. C'est le jour où on crie fudge au cobra en Amérique du Nord. OK. Si tu vis au nord du canal de Panama, c'est la journée pour crier fudge à midi local. Midi heure local. Ouais. Et ça fait peur au cobra. C'est spécial. Hein? C'est une tradition. Là. Pour le fudge. Le 2 juin, pour fudge. Fudge. Fudge. Je me dis, il y a peut-être un son qui entend. Peut-être. Fudge. Tu peux pas faire comme au golf, genre fudge. Tu peux pas juste crier. C'est ça? Ouais, mais non, c'est là, c'est... Ou non, ça les effraie pas, ça les excite. C'est le J, je pense qu'il y a ça dans le peu de... Il y a... Les seuls mots où, il y a J, c'est comme les Fudgio. Ouais. Pas mal ça. T'as raison. Il y a un DJ, mais si tu prononces mal, un J. Un J. 3 juin, la journée du Chimborazo. Est-ce que tu sais ce que c'est, le Chimborazo? C'est beau. Oui, c'est une montagne. Oui, ah, en fait, c'est pas l'animal. Ouais, c'est ça. Je me suis dit que tu pensais que ce serait l'animal. Je l'aurais pensé aussi, mais non. Le mont Chimborazo, c'est pas une sorte de salami, non. C'est tourné à l'équateur. C'est la montagne la plus haute sur Terre. Oui, plus haute que le mont Everest. Ah ouais? Mais techniquement, son élévation est de 20 564 pieds versus 29 029 pieds pour l'Everest. Donc, techniquement, l'élévation est plus élevée, mais étant donné les niveaux de localisation de Chimborazo qui doit commencer plus haut par rapport au niveau de la mer. Ah, okay. Son élévation est moindre, mais elle finit plus haut dans le ciel. Tu comprends ce que je veux dire? Étant donné qu'il y a des monts et vallées partout sur la Terre. Donc, c'est ça. C'est, étant donné qu'on est en fait à l'équateur, c'est ce que ça aide. Je comprends. Son pic est plus loin. C'est bizarre, par exemple, qu'on ait réussi à se rendre compte de ça, parce qu'en tant que tel, si tu fais juste calculer les pieds, ouais, c'est ça. Tu dis, bon, ben, l'Everest gagne, mais ça, c'est pas juste une question de pied. Non. Mais en tant que tel, est-ce que c'est juste une question de pied? Moi, je dirais quasiment que l'Everest gagne étant donné sa hauteur. Est-ce que tu calcules ça comment? Ouais, c'est ça. Ben là, c'est comme. Calcules ça de l'élévation du bas de la montagne au haut de la montagne ou tu calcules ça de l'élévation du centre de la Terre jusqu'au haut de la montagne? T'sais, est-ce que tu calcules les poils quand tu mesures un pupi? Oh boy! J'ai jamais calculé ça. Tu commences à la base! Faudrait-tu demander à un de tes amis? Il y a juste les gars qui font ça. 3 juin! Je pourrais pas te dire. C'est la journée nationale. Ah, il y en a pas? Deux. Le 3 juin... Je peux pas te le dire, j'en ai pas. Il y en a pas. Non, je parlais que moi, j'en avais pas. Ah, OK. 3 juin, la journée nationale du beigne, du beignet. Oui! Parlant de trous. Tu parlais pas de trous. Non, je sais, mais ça allait ensemble. Ouais, donc, c'est la journée nationale pour célébrer la pâtisserie à trous, par excellence. Ils ont vraiment l'air bons sur la photo, hey, en ça plus. Hein, ça donne le... Ça, on est loin de Tim Hortons. Hein. Celui au caramel, là, genre au milieu. Là, ah, mais moi, c'est celui qui a des petites boules au caramel. Là. Ah, genre à l'érable, style en bas. Ouais. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Ah, oh, ça a tellement l'air bon. Bien. Donc, ça se passait plutôt le 3 juin. On va finir par rattraper le présent. Hein. Je pensais pas avoir à faire cette chronique-là aujourd'hui. Fait que ça... 6 juin. Ça s'en vient. Journée nationale de Dieu merci, c'est lundi. Ah, y a-tu quelqu'un qui dit ça dans la vie? Apparemment, y a des gens dans le monde qui apprécient les lundis. J'apprécie mon lundi parce que j'apprécie la fin de journée du lundi. OK, t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose. Ouais, c'est ça. Il te reste seulement 4 jours. C'est ouais. Ça. Le 6 juin, c'est la journée nationale du yo-yo. Yo-yo. Yo-yo, comme oh dirait Jocelyne. Oh mon Dieu, Jocelyne. OK, pas les yo-yo, là, les le yo-yo. Jeu. Oui, la petite pas, boule. Pas yo-yo. Pas yo-yo. Yo-yo. Donc, c'est la journée parfaite pour faire différents moves de yo-yo, que ce soit la promenade du chien, là, le walk the dog. Oh mon Dieu, là, tu faisais-tu celui là, qui avait l'air d'un... Je faisais rien, ça. J'ai aucun talent là-dedans. Qui avait c'était la balançoire à yo-yo. Peut-être que c'est la soucoupe volante, le flying saucer, le throwdown. Je ne pourrais te dire. Peu importe. Le 8 juin, ensuite, c'est la journée Upsy-Daisy. Hein? Donc, si t'aimais la fête qui célébrait les lundis, en voici une autre. C'est une autre fête qui, en fait, qui t'encourage à célébrer glorieusement, avec entrain et joie, toute la positivité du monde. Des marguerites. Pas nécessairement, c'est de célébrer le fait que le monde va bien. Okay. Et on dit de le commémorer en mettant une marguerite dans les cheveux, okay. Mais c'est pas une journée pour les marguerites, c'est une journée de Upsy-Daisy, tout va bien, c'est comme une phrase okay. Commune qu'on dit en anglais, everything's Upsy-Daisy. Ouais. Il y a personne qui dit ça en 2017, non, mais dans le temps, ça. On dit ça. 12 juin maintenant, toujours dans la liste des fêtes à célébrer, le 12 juin, c'est la journée nationale du jerky. Comme du beef jerky. Le beef jerky, on a parlé tantôt, même je me rappelle d'avoir mentionné oui. Le mot jerky, je sais plus dans quelle situation, mais j'ai mentionné le mot beef jerky, ça. Oui, t'as mentionné, je m'en souviens plus. On écoute vraiment beaucoup notre émission. On a beaucoup d'informations. Beaucoup de choses en même temps, on a 3 heures d'informations. C'est ça, exactement. 18 juin, c'est la journée nationale de jongler. De jonglage, ah. Si on veut. Donc, si vous avez beaucoup de coordination, de talent, exactement, ce qui n'est pas mon genre non plus. Non, une chose à la fois. Hein. Donc, c'est une fête pour vous, la journée nationale du yo-yo. Okay. 19 juin. Ah, c'est pas des fêtes utiles. 19 non. Juin, on est revenu dans le présent en passant pour la plupart. Oui, donc, 19 vient. Juin. La journée nationale de ce qu'on appelle le sauntering. Sauntering, c'est là où on ralentit et on apprécie le monde autour de soi. Ça ressemble un peu à Upsy-Daisy. Upsy-Daisy ouais. Est un petit peu plus enjoué. Là, on est comme on prend le temps de savourer le monde. Là. T'sais, on prend le temps de marcher tranquillement, regarder okay. Autour, sentir les fleurs, le café, etc. etc. Sauntering. OK. Sauntering en français étant, bien sûr, attention, se balader. OK, il faut que tu te balades absolument. Ben, j'avais dit marcher tranquillement, mais ouais. Se balader, marcher d'un pas nonchalant. C'est ça. Serait ce qu'on devrait dire. 21 juin, c'est la journée d'aller faire du skateboard. Ou si on veut se prendre pour des gens qui ont un vocabulaire francophone, du roulis-roulant. Hein? Tout le monde va aller faire du roulis-roulant le 21 juin. Même les chiens sur la photo. Ben oui. Ensuite, le 22 juin, c'est la journée de la reconnaissance des baby boomers. Oui. La reconnaissance des baby boomers. Ils sont prêts à faire parler d'eux comme jamais auparavant. Ils sont enfin reconnus dans notre société, les baby boomers. Ensuite, le 23 juin, c'est la journée du let it go. Techniquement parlant, ça n'a pas rapport avec Frozen, là, okay. la chanson Let It Go, là, ça n'a pas rapport avec ça. Ça reste quand même un peu dans le même modèle. Là. C'est une journée où on laisse tomber tous les problèmes qu'on a, notre bagage antérieur, tout ce qui nous nuit dans la vie. C'est une bonne opportunité de passer à autre chose, de penser positif. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais le mois de juin a l'air d'être un mois où la positivité est là. L'été. Ouais, hein? L'été s'en vient. T'as pas le choix de laisser aller tout ce que l'hiver t'a fait. Tasse ton diable. C'est ça. Sauf si tu déménages. 23 juin, la journée nationale de manger dans un camion de bouffe. Un food truck, ça fait la une du Journal de Montréal, ça doit être une grosse nouvelle. Ben oui. Tu sais, il n'y a rien d'autre dans le monde qui se passe. Mais non. Fait que les food trucks, ça a une du Journal de Montréal, ça met ça. Donc, c'est la journée, c'est en fait la seconde journée annuelle le 23 juin. Ah? De la fête du food truck, finalement. Une excuse pour aider vos entreprises locales en mangeant, je sais pas, des beignes gourmets, des gros bretzels frais, des hot dogs, peu importe ce que vous mangez dans un food truck. Délicieuse. Souvent, ici au Québec, ça va être de la poutine, par exemple. Ben, c'est vrai qu'on n'est pas. Ouais. Ouais. Et poutine sauce brune, hein? C'est ça. Parce qu'il faudrait pas être trop original. C'est vrai qu'il y avait le Rib Fest, il n'y a pas très très longtemps, c'était des côtes levées. Miam. Mais c'était des food trucks. C'est malade, ça. C'est malade. 23 juin, la journée du selfie du coureur. Okay. Donc, on court et on prend un selfie. Hein? Faites attention, pas vous planter. 24 juin, c'est drôle, hein? C'est la journée amener votre chien au travail. Mais c'est peut-être parce qu'en temps normal, ici, c'est congé. C'est un bon point. C'est un très bon point. Mais si vous travaillez... Il y en a qui travaillent quand même le 24 juin. Il y en a qui ont droit à un congé. Ils peuvent leur prendre un autre jour. T'as sont pas étendus, peu importe. Donc, amenez votre chien au travail. Justement, tiens, ça va... Vous allez pouvoir profiter du fait que c'est un congé en ayant votre chien à côté de vous. Pourquoi pas? Et vous passerez le mémo au patron en disant « ça le dit sur Internet ». Fait que c'est vrai. Ensuite, le 26 juin, c'est la journée des cabanes en bois. En bois rond. Oh, les petites cabanes en bois rond. C'est tellement cute, ça. Donc, on célèbre encore une fois le mois de juin. C'est soit on est très, très excité, très, très positif, ou encore on relaxe. Donc, ici, c'est du côté de la relaxation. Donc, on s'assoit à côté d'un arbre, on regarde notre petite maison, on est bien content. C'est très à la mode. En plus, les petites maisons, là, comment on appelle ça, les mini-house, les comment, maisons miniatures. Maisons miniatures. Donc, tu pourrais te construire un petit chalet miniature, ce serait cute. C'est vrai. 27 juin, c'est la journée de décider de se marier. Oh, d'accord. Décider d'être marié, en fait. Si c'est pas de peut-être se fiancer ce jour-là, se marier ce jour-là, c'est une journée qui est commune pour bien des gens. On se marie le 27 juin. Ah, OK. Et bon. Le 30 juin, c'est la dernière. C'est la journée nationale de la poignée de main. Oh! C'est tout. Fait que juste tu te promènes puis tu sers la main à tout le monde. Oui. Par contre, il faut pas faire comme notre ami Jerry Seinfeld, l'humoriste américain et vedette de l'émission Seinfeld des années 90, qui a rencontré Kesha sur un tapis rouge puis a refusé de lui faire un câlin ou une poignée de main. Mais il s'en est sorti en disant « Oh, mais ce que, gars, je suis Jerry Seinfeld, je choisis avec qui je me câline ou que je sers la main et en plus, je la connais pas, je peux pas connaître toutes les pop stars du monde, je sais pas c'est qui moi Kesha, je pensais que c'est une fan, fait que j'ai refusé de lui serrer la main. Oh. » Il y a raison, c'est pas fou, t'es pas obligé de connaître Kesha, là. Ça se peut non, que non, ça, non, ça, je suis d'accord, qui... mais pourquoi refuser de serrer la main à quelqu'un J'avoue. Qui te salue? Il se dit qu'il est rendu à l'âge où il peut choisir de serrer la main de quelqu'un ou de serrer... C'est un peu égocentré. C'est un petit peu, ouais, mais c'est Jerry Seinfeld, il est spécial. Ouais, c'est ça. Mais je l'apprécie tout autant quand même, mais je pense que je suis d'accord que les poignées de main, c'est arriéré. Ouais. Les microbes, tout ça, tu pognes le rêve de tout le monde. Puis... Ouais, ok, peut-être. Le câlin, c'est encore pire que la poignée de main. Là. Ah, moi, je suis vraiment pas une fille qui fait des câlins. Là. Non, moi non plus, genre, vraiment pas. Ah, oh, prends-moi je pas dans tes bras. Je les accepte quand on me les offre. Mais même là, c'est comme, je me sens mal à l'aise. Je sais même pas où mettre la face. Ouais. Est-ce que tu donnes un bisou? Est-ce que tu fais juste la main dans le dos? Faut vraiment que j'apprécie pour que je te laisse me donner un câlin. Ou c'est vraiment très, très rare. C'est vraiment, ouais. Bref, voilà pour son foutu palmarès. On prend une pause musicale. Après ça, si tout va bien, les gars de Days sont dans le coin. Ils okay. s'en viennent. Oui. Donc, écoutons-nous une pièce francophone. Pourquoi pas une pièce de Philippe B. Explosion et on se retrouve dans quelques instants. Cet assemblage requis pour encore 1h10. Pourquoi tu fermes les yeux au moment de l'explosion? C'est tellement beau, la destruction. Pourquoi tu fermes les yeux? Je voudrais te raconter une histoire. Ta avant nous deux, avant que se croisent nos trajectoires. Il était une fois une maison qui s'endort et un garçon qui s'enfuit. Son cœur éclate sans faire de bruit. Na-na-na-na. Tu fermes les yeux quand les corps vont au plancher. C'est juste un jeu de gravité. Viens regarder avec moi les étoiles tomber. Tu fermes les yeux quand tu me dis que tu m'aimes. Philippe B avec Explosion à Assemblage Requis. On prend une petite pause et après ça, les gars de Days en performance et en entrevue. Restez là. Assemblage Requis. C'est fou! 89 ans. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Déjà de retour à Assemblage Requis pour la semaine du 12 juin 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Il reste un petit peu plus d'une heure ensemble environ. Plus tard à l'émission, on va avoir une grosse pointe en dresse. J'ai dit qu'il va falloir que tu fasses attention à tes bibines parce que ça va te chauffer pas c'est mal, vrai. J'ai l'impression. On a aussi une entrevue avec Daze qui s'en vient, un groupe très fluvien, gagnant des Mardis de la Relève. Alors, on va les avoir dans quelques instants en performance musicale et en entrevue. Donc, manquez pas ça. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de Bébé Soleil. J'ai fait jouer juste parce que j'aime le nom du band. Tu vois, des fois, ça prend pas grand-chose. Hein. Non, c'est ça. Bébé Soleil, voici Souliers de course à Assemblage Requis. C'était New Pornographers avec High Ticket Attraction, précédé de Pony avec Brise Glace. On a fait un bloc de, je pense, 4 pièces. Beaucoup de gens, beaucoup de boutons à appuyer, puis beaucoup de choses à faire en même temps. Mais c'est parfait comme ça. Ça n'a même pas paru. Ben absolument pas. Ben non, je sais pas. Donc, Assemblage requis qui continue. Et maintenant, on a, comme prédit, comme prévu, ça fait longtemps qu'on en parle, les gars de Daze qui sont arrivés en studio. Bonjour, les gars. Bonjour. Bonjour, allô. Ouais. Les autres, ils parlent au fond. Là, c'est incroyable, j'aime ça. Donc, principalement, on a Simon qui est avec nous en studio au micro, qui va répondre à nos questions, je pense. Est-ce que tu te considérais comme le leader du groupe? Est-ce que c'est pour ça que tu viens. Non, je pense qu'il trouve que j'ai une belle voix. Ouais, les gars, ils m'envoient souvent en avant pour dire les choses. C'est vrai. Mais non, vraiment, Dave, c'est pas un projet personnel, c'est vraiment notre gang. Un projet d'ensemble. C'est vraiment on se coopère très bien ensemble. Il n'y a pas vraiment une tête plus forte que les autres dans la gang. Personne qui se prend pour un autre là-dedans. Je te dirais pas en ondes, ça. Vous êtes quatre en studio. Est-ce que tu veux nous présenter tes collègues vu qu'ils peuvent pas parler assez fort? Peut-être qu'ils peuvent. S'ils veulent crier. Si vous criez fort. Ok. Donc j'ai un guitariste ici à ma gauche qui s'appelle Nicolas. Allô. Salut. Bonjour Nicolas. On a le bassiste Thierry Audet. Bonjour. Peut-être que vous avez entendu un petit bout. On entend bien. On l'entend parfait. Est-ce que fait un ro comme au festival au Gala du cinéma québécois? Vas-y donc. Non. Ok. Et on a Philippe Tourville qui va frapper sur sa petite boîte en bois pour la percussion. Ah, c'est une vraie petite boîte en bois, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Oui, non, c'est pas un 4 juin ou je sais pas. J'ai pas la meilleure accent, mais c'est un cajun cajon. Ah, qui comme un cajun. Ouais, exactement. Ah, oui. Puis ça, c'est une petite boîte percussive qui remplace le drum aujourd'hui. Cool. Oui, parce qu'on fait un set acoustique là. Oui, oui. Un gros set. Tantôt, on a vu ici, il y a les guitares, une guitare électrique qui est branchée dans le power courant. On va. C'est une bass. Non, c'est une guitare basse. Ah, c'est une guitare. Il était pas très loin. Juste parce qu'il était assis sur un divan très bas. Ah ouais, une guitare basse, hein, c'est ça. Il s'est branché dans le mur, donc on va prendre l'électricité du QTR pour ça. C'est le fun quand même. Merci UQTR. Donc vous êtes quatre avec nous en studio et vous êtes quatre dans ce groupe-là. Vous existez depuis combien de temps? Ça fait 2 ans qu'on joue publiquement, qu'on a joué des shows et tout ça. Ça fait sinon peut-être 2 ans et demi qu'on a vraiment travaillé sur un projet d'un band en tant que tel. Dans quel sous-sol? En fait, c'est comme ça que ça a commencé. On a eu une opportunité d'avoir un local au centre-ville. Ah, wow. OK. Puis là, on a toujours eu... On sait qu'ils en ont vraiment beaucoup. Ils ont même commencé par les sous-sols. Il y en a pas des millions. Fait que quand t'as de l'opportunité et que t'es intéressé par la musique, ben, c'est vraiment une belle opportunité. Fait que ça a commencé avec ça, puis tranquillement, on a ramassé du monde, de Philippe. Au début, c'était juste moi puis Thierry. OK. C'est pas très cool. Rencontré d'où? Secondaire, nous, on est amis de secondaire. Philippe, qu'on a rencontré à cause de la musique, principalement. Puis Nicolas, ici, qu'on a déjà joué au primaire ensemble, moi et lui. Mais, mon Dieu! Ouais, puis que là, nos chemins ont été de deux opposées directions. Vous jouiez au xylophone, je pense, dans le temps. Oui, le métallophone. Oui, exactement. Des fois, les carillons. Moi, j'aimais ça parce que t'avais une chaise. Moi, t'es assis en indien en tête. Non. Mais ça va pas la cloche à vache. Ting, ting, ouais, ça a tout évolué. Ça commence tout. La musique. Ça commence comme ça. Vos goûts, vous avez commencé comment, vos goûts? Vous avez l'air d'un band qui aime des trucs plus vieux. Oui, c'est éclectique, ça part à gauche à droite. Là, aujourd'hui, par l'habillement, je dirais vous êtes du style hawaïen. Ou c'est juste pour les ah, c'est qui faisait dessus à ce bout cette semaine, c'est ça. Ben oui, on a fait juste d'ailleurs parti un live sur notre page Facebook, c'est là qu'il va aller voir comment on est habillé. On a même un caméraman qui vient ouais, tasser vient l'appareil. Si vous voulez me voir, je pars dans le petit. Bonjour. Bon, s'il y a des gens qui regardent, bonjour. Bonjour. Désolé pour les gens qui écoutent. On aime ça faire de la télé. Ouais, c'est ça. On le dit souvent. Ouais, c'est le spectacle, ça touche à tous les sens. Vous êtes des gars de scène, donc vous avez joué devant public quelquefois déjà. Oui, ben c'est ça qu'on en parlait un peu avant l'émission. Nous, où ça a commencé, c'est vraiment les mardis de la relève. Ouais. C'était la meilleure opportunité. On commençait justement à avoir quelques tunes. Justement, ça prend juste un set d'une demi-heure à peu près pour faire le spectacle. Fait qu'on s'est dit, hey, on a toujours été un peu showman. Fait que pourquoi pas, on va se lancer. C'est comme ça que ça a levé pas mal la plus belle publicité. Avec un peu d'alcool, j'imagine. Ah, ah, un petit shot de gin avant d'embarquer, ça dérouille la gorge. Le chaudasse. Mais ça chaud de lever, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez gagné les Mardis de la Relève l'année passée. Oui, vous aviez participé avant ça en 2015. Exactement. Comment ça s'est passé le processus? Comment est-ce que vous avez eu envie de vous inscrire? Et puis, comment ça a déboulé après ça? Là? Donc, c'est ça. Avant de jouer, on venait tout juste de se rencontrer. Ça fait quelques mois, comme je disais, qu'on avait notre local, qu'on pratiquait ensemble. On décide qu'on a assez de matériel pour s'inscrire. Puis là, c'est vraiment une belle façon de commencer parce que c'est super bien encadré. Okay. Déjà, aussi, t'as la chance d'avoir plusieurs bands qui participent, ça apporte des gens qui auraient jamais vraiment tombé sur ta musique par hasard, disons, ou qui auraient pas eu beaucoup de chance. Et tout le monde commence pas mal au même niveau, dans le sens que vous avez tous pas vraiment tant d'expérience. Oui, c'est la relève. C'est ça. Il y a personne qui fait comme moi, je suis meilleur, c'est sûr que je vais gagner. Mm-hmm. On a donné tout ce qu'on avait. La première année, on a terminé deuxième. Ouais. Ce qui nous a donné envie d'y retourner justement à cause du réseau qu'on s'était fait là-bas, l'ambiance aussi. Parce que vous avez le droit, là, c'est pas comme la voix, là, c'est pas une seule fois. Là. Non, on a eu le droit, mais ça aurait été de soi de le refaire, mettons. Okay, ouais. Est-ce que quelqu'un a un parent qui était dans les bébés avant? Ah, c'est ça, c'est la question. Non. Que tu... Mais... Avez-vous gagné grâce à ça? Philippe, non. Non? Yeah. C'était un beau bébé, lui. C'est pour ça que je m'en avais. J'accroche le micro. Est-ce que non, ça va, tout est beau. Je l'ai fermé. Il est même pas allumé. Merci. Il manie d'une main de maître. Là, de merci. Ouais. Je dois le souligner. Je me suis posé une main additionnelle. Dans les pantalons. C'est celui qui est dans tout du bureau. C'est qui ça. Arrête, non. Bon, donc on a parlé de votre processus que vous êtes rendu jusqu'au Mardi de la Relève. Exact. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait en tant que groupe depuis les Mardis de la Relève? Depuis les Mardis de la Relève, on a eu la chance de lancer un album qui est 8 morceaux, si je ne me trompe pas, parce qu'il y en a une qui est traduite 2 fois. C'est comme la même chanson. Ah, ça compte comme 2 chansons. Exactement. Donc, on a lancé notre album. On a profité justement de la lancer de ce que ça donnait, les Mardis de la Relève. On a eu droit à jouer au Festivois. On a été au Festival du Cochon. La caméraman. Caméra, moyen. Ouais, on a fait le Festivois. Qu'est-ce que je me répète, je crois, le Festival du Cochon. On a été justement enregistré la version française de Long Gone, exactement, au Studio Banzai grâce à eux. Fait que c'est ça. C'est surtout un bel encadrement, une belle visibilité. Puis on a eu la chance justement de rencontrer d'autres bands avec qui on a fait d'autres spectacles dans d'autres villes, justement Montréal, parce qu'on est allé étudier là-bas. On a fait aussi. Ensemble, tout le temps ensemble. Non, juste moi et Thierry, le petit blond dans le coin, bassiste. On est allé faire un cours d'un an de sonorisation enregistrement. Ah, c'est une bonne idée, c'est pour faire du mastering, j'imagine, de vos propres chansons. Mastering, enregistrement live, un peu de. Vraiment juste toucher à tout l'intérêt. Parce qu'une fois que l'album est enregistré grâce au Mardi de la Relève, là après ça, vous êtes comme laissé à votre propre. À vos propres moyens, je m'imagine. Oui, ben faut rebondir de ça, c'est sûr. Ben, comment ça a fonctionné en fait avec l'album? On l'a enregistré toutes les autres chansons, sauf la version française de Lungun, dans un studio à Montréal où justement on avait des contacts. Okay. Puis c'est justement, on a réussi à aller chercher le bonus track, comme on dit, là, avec le Mardi de la Relève. Fait que c'est ça, ça nous a offert un lancement également, grâce à ça. Fait que là, on a fait une belle soirée de lancement, on a réussi à vendre pratiquement toute la batch d'albums. Il en reste encore, si jamais vous en voulez, on la vend. Sinon, sur Bandcamp, sur notre Facebook, Le Days, d'habitude. Oui, Le Days, un petit peu difficile à trouver sur Bandcamp, faut taper Days Band de Canada. Je l'affirme, c'est moi qui a fait les courriels de l'affaire là, puis j'ai mélangé deux, trois affaires. Ça arrive. Est-ce qu'on est Canadien, est-ce qu'on est Québécois, est-ce qu'on est trifluvien? On est tout le kit en même temps. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça. T'as dit que vous avez enregistré la version francophone française de Lungun. Est-ce que c'est vous qui avez traduit les paroles? Est-ce que vous aviez vous écrivez en anglais à la base? Ben, c'est ça. On est teinté beaucoup de musique anglophone dans tout ce qu'on écoute, du blues, du rock, tout ça. Il y a beaucoup d'artistes francophones qu'on adore aussi. Mais c'est peut-être juste naturellement, ça nous est venu en anglais. Puis c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs aussi au Mardi de la Relève, parce que pour gagner, il faut un minimum de chansons françaises, sinon ils ne l'enregistreront pas. Ah. Fait que moi, au début, j'ai été réticent. On était ils sont venus comme ça, mais finalement, moi, je l'ai pris comme un défi, là. Ben, les gars aussi, là, de créer la toune. Justement, réécrire un texte, s'approprier la langue. C'est pas pareil du tout à faire. Non, c'est ça. C'est différent. Exactement, t'as trouvé le mot, la cadence, là, est toujours plus différente à trouver. Mm-hmm. Mais ça se fait quand même. Ça se fait très bien. C'est juste qu'il fallait qu'on s'assoie et qu'on le fasse. Oui, c'est ça. Et vous l'avez fait. C'est réussi. C'était pas une douleur ou quoi que ce soit. Là. Ça a fait même. C'était agréable de le faire. Mais oui, c'est agréable à écouter aussi. Merci beaucoup. Donc, on a parlé d'avant les Mardis de la Relève, on a parlé de depuis les Mardis de la Relève. Oui. Et le futur, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient après aujourd'hui? Est-ce que vous prévoyez faire des spectacles, des trucs comme on ça? On aimerait toujours ça, faire des spectacles. Malheureusement, justement, le fait qu'on a dû se diviser à cause des études dans deux villes, ça a été un peu plus dur à gérer. Mais justement, cet été, on devrait tous se retrouver à Trois-Rivières. Puis j'imagine mettre la main à la porte au projet. Puis trouver surtout. En fait, ce qu'on est en train de faire surtout, c'est de refaire du nouveau matériel, justement, de nos chansons. Aujourd'hui qu'on joue, qui est une des nouvelles compositions là, qui n'est pas sur l'album, qu'on a rarement joué en spectacle. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est surtout de faire beaucoup de matériel, aller peut-être commencer l'enregistrement d'un autre album, sortir peut-être des chandails, des trucs promotionnels, parce que c'est ça, c'est notre des chandelles, on aime ça. Des chandelles. Des chandelles. Des petites chandelles parfumées d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être aussi traduire toutes vos chansons en français, puis après ça en espagnol, featuring de Shakira dessus. Puis... Vraiment, je tiens à le souligner quand même, mais Mardi, moi, ça m'a donné beaucoup plus envie d'écrire en français récemment mes textes. Je prends même sur moi de le faire en français et en anglais jamais il m'est pas venu en anglais. Ah, c'est cool. T'es le seul qui écrit des chansons? Non, je parle de moi parce que c'est sûr que pas tout le monde est assez proche. Ils n'ont pas de micro en arrière, malheureusement. C'est juste pour ça. C'est eux qui m'ont poussé en avant. Ils ont demandé qui parle, ils ont dit moi. Faut qu'ils crient, c'est vraiment, c'est ça. Pour ma part, en tout cas, moi, j'ai adoré ça, puis je sais que tout le monde. Quand on écrit, ça vient comme ça vient, mais on se prend toujours sur nous aussi le traduire. Là. Super. Bon, c'est toutes les questions que j'avais pour l'instant. Peut-être qu'on en aura d'autres après. Là, peut-être. Après la performance, on va se faire un bon. Ça dépend comment la performance va. Non, c'est mauvais, on va dire. Merci de la chanson, là, elle sortait d'ici. J'espère que vous avez aimé ça. C'était tout. C'est filmé encore une fois, on va le dire, sur la page Facebook du Days. Le Days. Sinon, on peut faire à commercial Days TR. Oh, excusez-moi. Days TR, ça devrait sortir la page en premier. D'habitude. Génial. Sur le Facebook directement. Oh, donc, on va entendre ça dans quel ordre? Est-ce que vous avez un petit avant-goût à nous dire? Hein? On a un petit setlist pour ceux qui vont connaître les chansons. La première qu'on va vous faire, ça s'appelle Heavy Soul. Mais c'est une chanson qui est en deux parties sur l'album. Donc, on fait seulement la première partie parce que la deuxième, c'était dur de représenter en acoustique ce que c'est. Faut le vivre live. Venez à nos spectacles. Ah, c'est ça. marketing. Ouais, c'est ça. Il est tout au promo, là. Puis après ça, on fait un genre de medley de deux chansons, une qui s'appelle Let Me Breathe, puis l'autre qui après qui s'appelle Tag Team, qui est une chanson en français qu'on a nommée en anglais, pour rire de la chose un peu. Ben oui. Puis on finit avec justement nos nouvelles compositions qui s'appelle The Pills, qui est un autre style de medley qui est comme en trois sections. Là. J'en parlerai plus quand on se verra à la chanter. Excellent. Est-ce que tu vas nous parler entre les chansons comme dans un vrai spectacle? Je pourrais essayer. Je fais ça, me dérange pas du tout. Vous êtes tellement. Le faites-vous en temps habituel? Ben oui, on aime ça faire moitié-moitié. Okay. On joue un bon set de 3-4 tunes, peut-être plus 2-3, mettons, une après l'autre, qui s'emboîte, puis après ça, on vérifie si tout est correct. Êtes-vous, allez-vous bien? Il y en a qui se sont déjà cassés des dents. Là, ah, mon ouais, Dieu, OK, ça joue rough là, chez vous. Ah, des mosh pits, pour reprendre ouais, c'est ça. L'expression, ça arrive, ça arrive. Vous jouez au stage, en temps habituel, c'est ça? On a joué une fois au stage, mais le Nord-Ouest, je vais représenter le bar qui nous a le mieux représenté. Gambrinus, toujours. Ça fait longtemps, le Gambrinus, il nous écoute, ça fait longtemps qu'on est pas joué. Ah, c'est ça, ils passent leur message, je retourne. Donc, on vous écoute, les gars, de Days, pour leur set list. Parfait. Donc, la première, c'est Heavy Soul. Première de Heavy Soul. Ah, une chanson qui est toujours très essoufflante. Oui. Alors pour la prochaine, on dit laissez-moi respirer, ça s'appelle Let Me Breathe. Se décide. pleure. Merci. Donc pour la prochaine, ça se peut que vous entendiez une note qui drone dans le fond, je m'accorde en ce moment, ça c'est pas bien long. Ça me permet de vous parler donc de la dernière chanson. Les deux dernières qu'on vient d'entendre, c'est Tag Team, celle qui est en français. Mm-hmm. Et donc là, la dernière, ça s'appelle The Pills, comme je disais plus tôt. C'est une chanson qui parle... Oui, ça parle des pilules, là, tu sais, dans la vie de tous les jours. Des fois, le monde ne va pas bien. On a prescrit une petite pilule, puis ça passe. Puis finalement, on dit, c'est pas plus grave. Puis pourtant, c'est peut-être un problème de plus. Bon. Donc c'est ce que présente la prochaine chanson qui s'appelle The Pills. Est-ce que la guitare est prête? On peut y aller. Ah oui, bon. C'est dazed. Même Facebook est prêt, les gars. Même Facebook. Nice. We did that. All right. Ça se passe. All right. Thank you. C'est ma préf, je pense. Là. Ouais, ouais, moi aussi. Ah, c'était super. Bon, les gars, vous allez devoir faire votre CD en entier en acoustique, c'est excellent. Ah, c'est très, très, très bon. J'espère que... J'espère que quoi? J'espère qu'il y a une buvette pas trop loin. Il y a une buvette. On va oui, prendre une pause dans quelques instants. Donc, les gars, de Daze, on l'a pas dit depuis le début, on a juste dit vos prénoms. Je pense que votre nom de famille, c'est Daisy. C'est pour ça, Daze? Daisy. Oh, c'est ça. C'est pas ça. Non? J'étais sûr que je. Ça aurait pu, par exemple. Ça aurait pu. Donc, Daze qui nous a joué un bon petit set de combien de chansons c'était ça? Un bon 6? Ouais, c'était long. C'était long, mais c'était techniquement, genre 3 chansons et demie. T'es-tu sérieux pour oui. La nouvelle en 3 parties, c'est quand même un bon 6 minutes et demie. Ah, ok, c'est ça l'affaire. On vous avait pas prévenu. Ouais, c'est ça, c'est la différence. Okay. On aurait pris 3-4 fois ça. Ouais, c'est ça, exact. Bien, merci beaucoup. Merci les gars de Daze. Est-ce que je me rappelle Simon? Je me rappelle de Philippe? Je me rappelle de Thierry? Et Nicolas. J'allais dire Jay du Temple, mais. Ah! Hey, c'est vrai, hein? Le nouvel animateur d'Occupation 2, il s'en va à Bali dans pas longtemps. C'est lui qui part, là. Merci beaucoup, les gars. On écoute votre Bandcamp sur Daze Band. Oui, DazeBandCanada.bandcamp.com. Exactement. Sinon, page Facebook. Sur Facebook, exactement. Sur notre photo de trophée, il devrait tout avoir les liens, là. On est sur Spotify. Cherchez Get Zapped. Vous êtes donc même fancy. Ben, écoute, on est en 2017. Cherchez par le nom de l'album Get Zapped parce qu'à un moment donné Daze mine de rien on s'est rendu compte qu'il y en avait plus mine de rien oui, ouais, hein, c'est plus ça. On s'excuse on comment vous l'écrivez les gars pour que les gens aillent vous chercher à bonne place D-A-Z-E si vous êtes sur Facebook excusez-moi essayez le D-A-Z-E avec une espace entre les deux on est-tu ailleurs on est sur iTunes si vous cherchez encore par le nom de l'album qui est Get Zapped Z-A-P-P-E-D on s'excuse encore pour un autre mot bizarre donc si vous êtes sur iTunes c'est sur Apple Music aussi ça veut dire oui exact c'est ça c'est là je m'en venais même si jamais tu fais jouer en ondes de nos chansons je fais ça, on est sur Shazam donc installez l'application de la Repo je veux pas faire de la pub gratuite mais cherchez-nous comme ça bah, c'est ça. Une façon de le faire comme tout le monde. Voilà, on est Tinder. La demande. C'est ça. Chacun d'entre eux sur son Tinder, madame. Ah, une toune. Okay. Hey, okay, non, mais si vous avez encore une chanson, on peut envoyer la publicité avec oui. ça, n'est-ce pas? On peut envoyer la publicité avec ça. Si ça vous intéresse. Parce que t'as dit le mot Tinder. Ouais. Ça m'a fait peur. Attends, un peu. Êtes-vous en train de nous dire que vous avez une toune qui s'appelle Tinder? Non, c'est Tinder à la place. Oh, ça arrête. C'est sur son ex qu'il a rencontré sur Tinder. Ah non, je pense que j'ai commencé à sortir comme ça, il n'y avait même pas Tinder existant. Ah, c'est ça. Écrément. Mon Dieu, quand hein? Même, hein pour, quand même. T'as parlé de ça, t'es vieux? Je vais passer plus jeune que ça, c'est ça? Moi, c'est ça. Non, non, ça fait longtemps. Ouais. Béatrice, je t'aime. C'est vrai, c'est fait. Oui, parce que ça, vous avez dit Tinder, c'est un peu niaiseux. Il y a une de nos tunes, justement, qu'on a mis en français, le Long Gun, qui dans les paroles a le mot Tinder. Fait que là, j'étais ah, on avait-tu dit qu'on la faisait? Ben là, si vous me partez là-dessus, on va être bien contents. Tinder en français, teindre. Teindre. Teindre. Oui. Oui, je l'ai accordé, j'ai dit teindé en tout cas. Teindé. Bon, c'est toujours Daze, tout le monde. Ça s'appelle Long Gone, version française. Son cœur un beau gars sur un plateau d'argent. Génération Tinder, tu m'en vas fait voir comme les loups de grand-mère. Ça dit les meilleurs, mais vous c'est tout pathétique. Quand vient ta fête, t'es pas sur la leur. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, yeah. Te v'là la tête entre les mains, pas surprenant le coup, lâche ou le pas du problème. Oh, Days! Encore merci une fois, merci Simon, merci Thierry, Philippe et Nicolas qui animent Occupation Double cet automne. C'est ça, exactement. Télé. Manquez pas ça. Merci vraiment à vous. Ben, merci, ça fait plaisir, c'était excellent. Venez, quand vous voulez, on aime vraiment beaucoup ça. J'ai remarqué que la porte est barrée de l'extérieur, par exemple. C'est oui, vrai. C'est ça. Faites attention quand vous arrivez, avertissez-nous. Mais pas trop. C'est une nouvelle règle, apparemment, qu'on doit suivre assez fou. Avant, on est mis à la porte ouverte, mais bon, c'est comme ça, légalement. Puis en plus, ça fait qu'on va vous laisser avec notre chaleur corporelle. Ah oui! Un beau petit 25 degrés à l'ombre. Merci, Days. On prend une pause pour vrai et on revient avec une grosse pointe tendresse. Vous avez réussi à trouver votre stationnement, c'est vraiment? Ouais. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de guides. À quoi sert chez les tours du monde? Assemblage requis, nos oiseaux sont de retour après une petite pause tantôt, mais on remercie encore Daze d'avoir passé un bon bout de temps en studio. Excellent. Extraordinaire. Ils nous ont fait un set acoustique. En temps normal, le CD n'est pas acoustique. Je leur ai dit que s'il faisait acoustique, version CD, je l'achetais, c'était sûr. Et voilà, l'achat est déjà fait. Exactement. Donc maintenant, tiens, on va terminer notre émission. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes et c'est juste assez de temps pour une dégustation dans ce qu'on appelle une grosse pointe tendresse. Ouh! C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en dépanneur, en pharmacie, peu importe, en autant que ce soit malsain la plupart du temps, voilà, et facile à trouver en commerce. Donc aujourd'hui, j'ai sorti ça de mon tiroir comme toujours, c'était là depuis une petite semaine environ. En fait, quelques jours, je me rappelle d'être passé au bureau pour un des matchs des Aigles et j'arrivais de l'épicerie, fait que je me suis amené un petit produit et c'est justement ça. C'est merveilleux ça. En fait, c'est quelque chose que tu as certainement vu passer. Habituellement, j'amène des produits qui sont peut-être un petit peu moins populaires pour essayer de se divertir un petit peu. Ici, attention, j'ouvre ça et youpi poupi poup. Et à l'endroit, go! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Les chaleurs! Est-ce que t'as vu? C'est Doritos, mais vague de chaleur. Je vais t'avouer que je les ai vus. Je me suis dit, je les achète-tu? Mais je dis non, c'est sûr, je serais pas capable de manger. Je suis là pour toi, babe. Je suis là pour toi. Donc aujourd'hui, on va essayer ce nouveau principe en fait de Doritos parce que ça commence barbecue. Puis ça finit que t'as chaud. Ça finit en chaleur. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Mais je pense que ça vaut la peine d'être essayé, j'espère. Je pense aussi. Que ça va être bon. Je me rappelle la dernière fois qu'on avait essayé des Doritos à l'émission, c'était les Doritos roulettes avec Stéphanie Paradis il y a peut-être 2 ans. Et puis on avait eu de la misère à trouver les piquantes qu'il y en avait comme vraiment pas beaucoup. La différence n'était pas énorme entre les normales et les piquantes. On avait été déçus du concept. Donc on va voir si ça va être mieux cette fois-ci. Donc ça s'appelle les Doritos vagues de chaleur. D'abord le barbecue, ensuite la chaleur. C'est des chips tortillas, bien sûr, aromatisés. Saveur de barbecue et chili. C'est vraiment spécifié en bas, barbecue et chili. Okay. Donc, un côté barbecue, et ensuite, ça devient chili. Donc, ça dit, sur le sac en arrière, un peu la même chose que je viens de dire. Au début, c'est sucré et fumé. Puis, c'est, attendez, vraiment piquant. Oh, mon Dieu! Lorsque vous croquez, la saveur du chili explose en bouche pour vous offrir une expérience intense. Oserez-vous les essayer? J'ai peur. C'est pas nécessairement rassurant. C'est rare là, que j'ai peur quand t'amènes un produit. Ouais. Là, j'ai peur. Ça contient des ingrédients du blé, donc pour ceux qui ont des problèmes avec le gluten, j'imagine que c'est à surveiller. C'est fait par Frito-Lay. C'est fabriqué au Canada. Cambridge en Ontario, Kenville en Nouvelle-Écosse, Lévis au Québec, Tabor et Lethbridge en Alberta pour Frito-Lay North America Inc. 2017. Sinon, je pense qu'il n'y a pas grand d'autres détails là-dessus. Pour vrai, c'est marqué que c'est pour une durée limitée. Et que ça a 0 gras trans, hein? Important, ça, quand on mange des chips. Ça. Donc, je te passe le sac et on ouvre ça dans notre micro magique qui a très bien fait son travail tantôt pour la guitare de Daze, de Simon. Tout à fait. Donc, polyvalent. J'avais bien placé le micro magique. Très polyvalent. Je viens de toutes les écrapoutures. Tu sais, c'est tout le temps des sacs qui sont compliqués à ouvrir. Non, c'est toi qui as un problème avec les sacs. Mais tu vois, maintenant, là, plus on fait cette chronique-là, mieux je m'en viens bonne pour ouvrir des sacs. Fait que ça sert à quelque chose. Tu vas te faire appeler éventuellement par la maison mère d'ouvreur de sacs. Oh! Je te jure, j'en prends pas deux. Ça te dit que c'est dans la bouche que c'était supposé faire un effet, pas dans ton nez. Tu fais juste le sentir, là. Ça pogne dans la gorge. C'est comme du poivre de Cayenne. Si t'es un voleur qui veut te voler ta sacoche, lancer des Doritos, vague de chaleur. C'est sûr. Ah, là, j'en ai pris une moitié d'une. Fait que j'en prends deux, mais c'est sûr, j'y mange pas les deux. je repasse le sac, Mathieu. Je le brasse un petit peu pour que les gens se donnent envie. Et voilà. Pas envie d'aller à la salle de bain, mais envie d'en manger. Bon. Je retourne à mon micro habituel. Oui, merci. On est prêt? J'ai une gorgée d'eau de prête. Littéralement, là. Même c'est pas tout ce qui me reste. Ok, je vais sentir un petit peu moi aussi. C'est vrai que ça sent fumé, ça sent la saucisse à hot dog, honnêtement. Oh mon Dieu, j'aurais pas pu mieux dire. C'est des saucisses fumées, là. Ça sent la saucisse fumée. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va coûter, parce que j'en ai une qui est plus ou moins saupoudrée, et l'autre, on dirait que c'était elle sur laquelle ils ont mis tout le paquet. Ouais. C'est bizarre parce qu'ils sont supposés être assaisonnés pareil. C'est pas comme roulette où tu vas tomber une fois de temps en temps sur une qui est différente des autres. Okay. Donc, on laissait ça dans la bouche. Moi, j'en ai une en forme de langue. C'est toi, t'apprends-tu tout au complet? Ouais. OK. Je suis de même, moi. Okay. La vie tout est un sport dangereux. Ça n'a pas de bon sens. OK, on y va. C'est sucré. Barbecue. Très barbecue texan. barbecue. C'est meilleur que le barbecue habituel. Chili, là. Ouais, moi, je suis rendue au chili, là. Oh my... je l'ai pas pantoute, le chili, hein. Pour vrai? Non. Je vais réessayer une autre fois. Ça donne vraiment chaud. Pour vrai? Mais pour vrai, j'ai une bonne tolérance à ce qui est piquant, là, puis je le sens pas, là. Moi, j'ai... Je te dirais que ça me fait, ça me brûle pas les babines. Non. Mais ça décape la gorge. Ben, je pense que c'est fait pour les gens qui sont moins habitués peut-être à du piquant. Parce que je me rappelle de Doritos, j'en ai déjà parlé à l'émission, mais il y avait déjà eu une version qui était extrêmement intense. Il la brandait avec une sorte de boisson gazeuse. Ouais. Tu étais supposé boire la boisson gazeuse après pour calmer le piquant. C'est les seuls que j'avais trouvé vraiment piquants. C'était comme dernier degré, je pense. T'as premier pas degré. Chaud? Là, ça me fait rien. Moi. OK, mais mange-en deux, là. Ben, j'en ai déjà deux de manger. C'est pas vrai? Je vais y aller avec mange-en trois. Fumer, barbecue, ouais. Ouais. Mm-hmm. C'est bon. Ben, un petit piquant un peu. Mais je pense que je suis moins sensible que toi pas mal là-dessus. Je vais t'avouer que j'ai mangé des choses qui étaient pires que ça. Ça me fait pas grand-chose. Mais là, rendu à ma deuxième... Peut-être qu'en mangeant le sac au complet, hein? Peut-être. Mais c'est super bon au goût, par contre. Je les trouve bonnes. Ouais, elles sont très bonnes, très réussies. Même qu'ils devraient sortir ça comme saveur régulière, sans le chili à la fin. Je trouve que ça goûte un peu les côtes levées. C'est vrai, ça goûte les choix du président, côtes levées, tout en sentant les hot dogs fumés. Écoute. C'est gagnant. Je sais pas si... Tu sais, notre règle de mettre un pouce en l'air, pouce en bas ou sur le côté, ici, est un petit peu difficile parce que, en tant que tel, j'aime beaucoup ça. C'est bon. Ça, mais est-ce que c'est ce que c'est supposé être? Moi, je dis oui. Selon moi, vu que je suis pas habituée de manger du vraiment gros épicé, je vais dire un pouce en l'air. OK, je le sens un petit peu gelé quand même, là, le piquant un petit peu quand t'avales pas mal. Je le sens, mais c'est pas quelque chose qu'il va falloir que je prenne de l'eau là, tu sais. OK. Contrairement à d'autres sortes de Doritos. Donc, je vais dire pouce en l'air aussi. C'est pire quand tu rajoutes de l'eau, en fait. Ah ouais? Je vais essayer. Non, je vais essayer pour vrai. Attends un peu. Parce que je pense que ce qui fait ressortir l'élément chimique, probablement que c'est ta salive. Ouais. Et l'eau vient comme un petit peu faire la même chose ouais. pour sortir encore plus de piquant. T'as raison, oui, là c'est ouais. vraiment... Ouais. Ouais. T'as vraiment une bouffée de chaleur en quand fait. Quand même, ouais. Non, c'est pas pire. Pouce en l'air encore, j'enlève ma réserve et je dis pouce en l'air. Donc voilà, pour notre produit dégusté aujourd'hui. Ouh! Ouais. Quand même. On va déjà devoir se quitter par contre. Ouais, je regarde je le sais. Temps filer. Et notre horaire nous dit qu'on doit se c'est dire au revoir. C'est triste comme ça, on peut pas rien faire d'autre, on est désolé. Les liens sont sur assemblagerequis.com pour l'émission d'aujourd'hui. On n'a pas fait de nouvelles aujourd'hui, mais quand même, c'est pas si grave que ça. Vous pouvez quand même aller voir ça. Sinon, ben, merci d'avoir été à l'écoute. Merci aussi aux gars de Days. Donc, si je me rappelle bien, Simon, Nicolas, Thierry et Philippe. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à vous, les petits requins, d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les jeudi, entre 14h et 17h après nous. Là, le running gag se termine. C'est fini, là. Ça devrait vraiment être la rediffusion de Rock Révélé à partir de 17h. Exactement. Parce qu'il était le lundi. Il n'y a pas de baseball ce soir. Non, non, non, ils ont fini, ils ont gagné. Fait que ouais, ils ben s'en vont perdre. Je peux même pas. C'est moi qui fais c'est des gars comme vrai. Ça. C'est pas vrai. On est sur une bonne lancée, on doit dire. 4 victoires de suite, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites d'accumulés qu'il faut récupérer. Hein, quand c'est même. Ça l'affaire. C'est de rattraper tout ce qu'on a perdu dans le début. Ensuite, on repasse les samedis entre midi et 15h. Ce qui s'en vient après nous, c'est une rediffusion de la plus récente émission d'En Piste avec Tania Baudin. De quoi tu nous as parlé cette semaine? Je vous ai parlé du Grand Prix du Canada. Oh mon Dieu, que je vous ai parlé du Grand Prix du Canada. Mm-hmm. Et on parle aussi avec Denis Baudin qui est en Europe. Pour les 24 heures du Mans. Il venait tout juste d'atterrir à Paris et il nous racontait qu'est-ce que va être son week-end. Et qu'est-ce qu'il a mangé dans les oui, restaurants. Oui, qu'est-ce qu'il a mangé. 5 étoiles Michelin, etc. etc. C'est bien ça. Et on repasse finalement les mercredis entre 11h et... ça vient, ça vient, hein? Le piquant vient d'embarquer. Exact. Et on repasse les mercredis à 11h. Après nous, à 14h, c'est une nouvelle édition en direct dans Piste avec Tania Baudin. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je sais pas encore. Alors, il faudrait écouter mercredi 14h. C'est rendu ça le nouveau running gag. Ben oui, on peut pas demander une semaine d'avance. Non, non. Et à 15h, ce sera une nouvelle édition du Mathieu Plante Show. Donc, je vais être là encore pour vous. Beaucoup d'émissions back-to-back cet été, de rediffusion et d'émissions en direct qui se suivent avec les mêmes animateurs. On c'est aime comme ça. Si vous êtes tanné de nous entendre, venez déposer un projet. Ben, c'est ça. vous autres les pires là-dedans, là. C'est ça. Ça peut pas tout vous donner cul dans le bec comme un oiseau. Non. Donc, sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte là-dessus et on se dit à la semaine prochaine. On dirait que là, je suis embarqué sur mon mode Simon la liberté au baseball. Et on se dit à la semaine prochaine. Prochain match de baseball, c'est, je crois, lundi. Oui, lundi matin à 11h. Si je me souviens bien. C'est exactement ça. On sait avec une chanson qu'on a manqué complètement notre affaire. Là, on voulait la jouer le 7 juin, mais on l'a pas fait jouer le 7 juin. Fait qu'on est le 15. On l'a manqué. Voici les 7 juin de Gabriel Noël featuring Lydia Kepi. Que voulez-vous? Bye! Bye! Souffle qui perle et